couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 23. Nous sommes au cœur de l'été, c'est l'occasion de nous retrouver dans un cadre peut-être plus détendu. Hein. Alors je vais commencer avec nos rappels traditionnels. Vous pouvez nous écrire, si vous le souhaitez, à notre adresse email dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous inscrire sur notre forum Europe Écologie Les Brins, eelb.su. Vous êtes invité à commenter les articles, à commenter les émissions, à participer aux différentes rubriques, révisionnisme, que Vincent se fait le plaisir, à laquelle Vincent participe aussi, Vincent Renoir bien sûr, crypto-monnaie, beaucoup de questions sur les cryptos toujours, surtout avec un marché assez tendu en ce moment, et de la même manière l'informatique, toujours des questions sur l'informatique, etc., etc., etc. Donc vous êtes le bienvenu, bien entendu. Avant de poursuivre, avant de remercier nos donateurs, je vais présenter les membres de cette semaine, qui nous font le plaisir de nous rejoindre. Je vais commencer avec Sobieski. J'espère, Sobieski, que tu vas bien en ce début d'été. Oui, techniquement, c'est le début de l'été, hein, somme toute. Oh, je dirais même qu'on est en plein cœur de l'été, là, plutôt. Il fait beau. Il fait... Non, c'est bien. C'est très bien. Faut profiter. Profitons. Et aussi avec nous cette semaine, notre camarade Hydromel. Salut, Hydromel. Bonjour, Gandalf, et bonjour à tous, ainsi qu'aux auditeurs. Effectivement, cette semaine, il fait un peu chaud, mais je me sens un peu rescapé de cette chaleur, comme j'ai la chance d'être souvent à l'ombre. Tu nous en diras peut-être plus. Et aussi avec nous cette semaine, Jean, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre, Jean Bureau, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, artilleur de son état. Comment vas-tu, Jean? Salut à tous, bonjour, et ça va très bien. Je salue tous les auditeurs, le bras tendu, comme il se doit, à la romaine. Tout à fait. Et enfin est avec nous cette semaine Vincent Renoir, qu'on ne présente pas, qui nous fait le plaisir, encore une fois, d'être avec nous. Oui, et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission, et je suis heureux d'être là aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, vous pouvez soutenir Démocratie Participative, vous pouvez soutenir le site, soutenir le forum, bien sûr, sa maintenance, bien évidemment, l'émission, si vous le souhaitez, en nous faisant des dons exclusivement en crypto-monnaie, plus particulièrement Monero, que je ne présente presque plus. Vous avez un guide explicatif à droite sur le site internet de Démocratie Participative pour savoir comment nous faire ce don. C'est pas très compliqué, hein. L'avantage de cette crypto par rapport aux autres cryptos, c'est qu'elle garantit l'anonymat des transactions. Hein, votre anonymat à vous, l'anonymat de celui qui reçoit la transaction et l'anonymat du volume de la transaction. Très utile en ces périodes de surveillance généralisée. Je vous invite donc à vous familiariser avec ce moyen de paiement. C'est un moyen de paiement, que ce soit pour nous soutenir ou que ce soit d'une manière générale pour faire des transactions très loin des yeux de Sauron. Hein, très loin des yeux de Sauron. Voilà. Alors, cette semaine, je n'ai pas eu le loisir d'avoir de courrier de donateur. Peut-être que je me trompe. Si c'est le cas, s'il vous plaît, renvoyez-nous un courrier pour nous dire que vous nous avez... si vous le souhaitez, quoi. Si vous souhaitez être remercié lors de l'émission, s'il vous plaît, faites-le. Ça a pu passer... hors de nos radars, peut-être en spam, je regarde les spams quand même de temps en temps aussi, mais bon, je peux me tromper, donc n'hésitez pas, hein. Et si c'est le cas, c'est indépendant de notre volonté, bien entendu. Si vous avez aussi demandé des vérifications et que ça n'a pas été fait, c'est possible, ne nous en veuillez pas, n'hésitez pas à nous renvoyer un courrier pour qu'on on y remédie, et là aussi, ne nous en veuillez pas. Pardon, oui. Moi je voudrais remercier Antoine de Démocratie Participative, qui m'a envoyé un don de 90 pounds et qui souhaitait être remercié pendant l'émission. Donc, il nous a envoyé ça par courrier postal qu'on a bien reçu. D'accord. Donc, je lui dis, on l'a bien reçu et tout va bien. Merci beaucoup, Antoine. Et merci à tous celles et ceux de Démocratie Participative qui ont aussi fait des dons. Donc là, tu parles d'auditeur de l'émission, c'est ça, hein? Je parle d'auditeur de l'émission, oui. Voilà. D'accord. Antoine, okay, est un auditeur de l'émission. Ah bah merci beaucoup Antoine d'avoir répondu présent. Et oui, tu es attelé à ton travail, donc on a diffusé le troisième épisode de ta série, mais toi tu es beaucoup plus avancé. Les gens peuvent te retrouver sur ton, sur le réseau social gab.com, Vincent Raynoir, et là tu diffuses donc, enfin tu as plusieurs plateformes, hein, tu as aussi ton blog sans concession, blogue.sc.com, où là tous les auditeurs, les lecteurs, les participants du forum peuvent te retrouver, et tu t'attelles donc à une grande série sur la réhabilitation du national-socialisme, un regard très différent évidemment, hein, de l'histoire officielle sur le national-socialisme, avec une articulation très globale. C'est justement, tu expliques en préalable, en préambule, pourquoi il est important, on va pas revenir là-dessus, tu l'as expliqué, hein, mais pourquoi ça te paraît important quand on est nationaliste identitaire, sans être d'ailleurs nécessairement national-socialiste, mais pourquoi c'est important de comprendre la nécessité de réhabiliter le national-socialisme. Et d'ailleurs, compte tenu du programme de cette émission aujourd'hui, indirectement, on sera amené à parler de l'utilité de la démarche révisionniste. Vous allez voir, on va parler du Japon, ça sera très intéressant. Et donc, tu es au sixième chapitre, si je ne m'abuse. Septième. J'ai mis hier en ligne national-socialisme et anti-judaïsme. Ah d'accord, très bien. Donc ça avance, et donc merci à tous ceux qui soutiennent Vincent. Vous pouvez le faire sur son site, s'il vous plaît, sur son site. Donc il a son adresse postale, il a aussi des adresses des wallets crypto, Monero, etc. Vous trouvez tout ça sur son site que j'ai cité, sur son blog, hein. Et voilà, donc c'est grâce à vous aussi que vous pouvez lui permettre de continuer son œuvre plus qu'utile, et dont on espère qu'il y aura un support DVD, c'est ce qu'on avait dit, hein, Vincent, mais quand ce sera un peu plus quand on aura trouvé une solution de paiement, hein, ça c'est en cours de réglage, si on veut, quoi, hein, c'est la censure, quoi, on est en, bon, hein, vous le savez, naturel. Oui, c'est cela, et je remercie Démocratie Participative qui soutient l'émission, enfin qui soutient la série en la répercutant. Merci beaucoup. Non, bah, c'est bien normal, on te remercie pour tout le travail que tu fournis. Alors messieurs, je vous propose de commencer cette émission sans transition aucune, donc je remercie, avant d'enchaîner quand même, tous ceux qui nous font des dons, qui ne nous écrivent pas, mais on sait que vous nous soutenez, vous souhaitez rester très discret, merci à vous. On continue ce travail, saison après saison, émission après émission, article après article, ça ne s'arrête pas. Alors, courrier des lecteurs, on a plusieurs courriers des lecteurs, mais toujours difficile de tous les citer, donc aujourd'hui on en a un, il y en a d'autres. Si vous les avez envoyés, c'est pas qu'on les a pas lus ou quoi, on les a bien reçus, simplement, bon, il y a toujours une question d'espace, ne nous en voulez pas. Alors, cette semaine, c'est notre ami Albert qui nous écrit, et ça fait écho à un autre article qu'on avait, un autre courrier de lecteur qu'on avait reçu d'un professeur du CNRS, c'est intéressant. Alors je vous le lis, trêve de commentaires. Bonjour chers amis démocrates, tout d'abord je tiens à vous remercier, à vous féliciter pour la très grande qualité de votre travail. Votre site est de très loin le meilleur site d'information francophone. Alors bon, merci, c'est très flatteur, bon, je ne sais pas si c'est mérité, mais bon, je ne dis pas non aux compliments. Je vais apprendre à utiliser Monero pour vous envoyer quelques shekelim au titre d'une redevance bien méritée. Je me présente brièvement. Je suis professeur dans une université très bien classée au classement de Shanghai dans le domaine, des sciences dures. Je voudrais vous faire part de mon témoignage et expliquer pourquoi la destruction de la civilisation européenne et la disparition de la race aryenne vont provoquer, si toutefois ça arrive, un tarissement des grandes découvertes scientifiques. Dans mes classes à l'université, je constate que le grand remplacement est bien avancé. Le public de mes cours est composé de nègres, de maghrébins, de quelques blancs, de quelques asiatiques, et de gens issus d'une mixture bizarre que je n'arrive pas à identifier. Les étudiants ne maîtrisent pas la langue française, sauf peut-être les asiatiques. Les copies des étudiants sont truffées de fautes d'orthographe, et les phrases n'ont souvent ni queue ni tête. Je me raccroche donc aux formules et calculs souvent faux pour essayer de mettre des points. J'éprouve de l'effroi, d'une part en voyant cette dégénérescence raciale, donc qu'il observe dans sa classe, et d'autre part en me demandant quel métier ces gens-là pourront bien exercer plus tard. Dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le niveau connaît également une forte baisse. On ne doit pas s'étonner que maintenant nos ingénieurs n'arrivent plus à finir un chantier un peu difficile, l'exemple d'Areva étant caractéristique. En outre, l'absence de culture générale se révèle un handicap très lourd pour nos ingénieurs, ou même chercheurs, quand il s'agit d'affronter une situation inédite. Maintenant, je voudrais vous parler de l'avenir de la recherche scientifique. Le travail d'un spécialiste des sciences dures comporte trois niveaux. Emmanuel Kant l'avait d'ailleurs expliqué dans Critique de la raison pure. Dans le premier niveau, on vous fait un calcul en appliquant une recette donnée à l'avance et sans interagir avec le mécanisme utilisé. Dans le deuxième niveau, on réfléchit sur ce qu'on fait et on interagit avec le mécanisme utilisé. Par exemple, c'est ce qu'on fait quand on calcule de deux manières différentes une intégrale et qu'on trouve deux résultats différents. Il faut trouver l'erreur. Bien entendu, une bonne maîtrise de la langue et de la grammaire sont indispensables pour exprimer la pensée scientifique et pouvoir formuler des analogies entre des théories différentes. Dans le troisième niveau, le subconscient, travaille et fait émerger une idée nouvelle, majeure, alors que la partie consciente du cerveau est occupée à faire autre chose. Pour comprendre comment le cerveau travaille au niveau du troisième niveau, j'ai étudié plusieurs travaux issus des neurosciences et je me suis intéressé de près aux travaux des grands scientifiques allemands en mathématiques et en physique dans la période des années 1850-1940. À cette époque, l'école scientifique allemande était de loin la meilleure du monde et faisait progresser l'humanité à pas de géant, nous dit notre auditeur. Je vais résumer mes conclusions. Les connaissances acquises se traduisent par des assemblées de neurones dans le cerveau. L'idée géniale recherchée correspond à une nouvelle assemblée de neurones qui recèle une grande beauté émotionnelle et qui doit entrer en résonance avec les assemblées de neurones déjà acquises. Le cerveau contient un générateur de variations qui élabore de nouvelles assemblées de neurones au hasard. Il faut donc orienter ce générateur de variations vers la bonne direction, car on ne peut pas compter sur un miracle. C'est là que le concept de race aryenne va jouer un rôle fondamental. Les sciences dures, y compris les mathématiques, visent à comprendre les lois de la nature. Le Führer a défini l'idéalisme comme le fait de concevoir le travail comme une nécessité pour sa propre race et d'être prêt à se sacrifier pour cette dernière. Sur le plan émotionnel, l'homme ne trouvera rien de plus beau que l'idéalisme le plus pur. Comme expliqué par le Führer dans Mein Kampf, seul l'idéalisme répond aux exigences des lois de la nature, et non seulement l'idéalisme le plus pur donne accès à la connaissance intégrale de la science, mais il coïncide avec elle. Pour augmenter ses chances d'avoir l'idée géniale, le scientifique doit faire preuve de l'idéalisme le plus total, tout en bénéficiant de belles émotions procurées par la beauté plastique de la musique classique, notamment. Déjà, Richard Wagner, dans son propos sur le judaïsme dans la musique, disait des choses similaires. En faisant preuve d'égoïsme ou d'égocentrisme, le scientifique n'a aucune chance d'avoir une idée remarquable. Or, seul l'Aryen est capable de faire preuve d'idéalisme. Il y a certes un génie juif, dû au fait que les juifs ont une conscience raciale et qu'ils savent parfaitement exploiter le travail des autres, de la même manière que le gui prospère sur l'arbre. Mais une fois que l'arbre aryen aura été détruit, le gui disparaîtra, car il est incapable de survivre par lui-même. En conclusion, chers amis, la disparition de la race aryenne va provoquer le tarissement des grandes découvertes scientifiques, et l'humanité sera plongée dans un monde de ténèbres. Que pouvons-nous faire pour empêcher cela ? Les journalistes nous présentent comme des découvertes scientifiques des choses qui n'en sont pas. Par exemple, le vaccin Pfizer n'est pas une découverte scientifique, c'est du poison et ses concepteurs sont des criminels. Même le scientifique juif Vladimir Zelenko le dit. Si mon courrier vous a paru digne d'intérêt, je souhaiterais connaître notamment l'opinion de Gandalf et de Vincent, pour lesquels j'ai une grande admiration avec mes amitiés Albert. Alors, merci Albert pour ton courrier, profond je trouve, qui touche du doigt un petit peu l'état de dégénérescence générale, pas seulement des sciences d'ailleurs, mais des arts aussi, hein, les deux sont liés, tu l'as bien dit dans ton courrier, cher Albert. Donc c'est un courrier qui nous invite à approfondir, aller aux causes de ce qui nous touche, de ce qui nous affecte là. Alors, je n'ai pas de culture scientifique, donc pas faire semblant d'en avoir une, j'en ai pas. Je ne serais pas crédible si je devais m'exprimer sur le sujet. En revanche, là où je suis plus sensible à ce qui est dit dans ce propos, c'est qu'effectivement, et bon, on le disait aussi avec Vincent sous un autre angle, mais c'est lié, c'est que je crois qu'un homme, on disait jadis un gentilhomme d'ailleurs, est quelqu'un qui a une conception holiste du monde. Hein, donc il n'est pas un spécialiste nécessairement, c'est-à-dire qu'il n'est pas, quelqu'un qui a une vision très limitée du monde et à sa spécialité. C'est quelqu'un qui est capable d'appréhender le monde, notamment par la culture générale, c'est ce qui est aussi pointé dans le courrier. Effectivement, un homme qui veut essayer d'atteindre une forme de complétude doit s'intéresser à différentes choses, ce qu'on appelle la culture générale. Donc il doit être, sans être excellent, il doit quand même avoir quelques notions dans tous les domaines, dans les arts, la philosophie, l'histoire, bien sûr, encore mieux s'il peut appréhender les sciences, etc. Et bon, c'était un peu d'ailleurs le message de la Renaissance, hein, avec des hommes assez complets comme De Vinci, etc. Alors, je vais peut-être donner la parole à nos participants sur ce problème de la dégénérescence, en fait, actuelle, à tout le moins, actuelle, du monde européen, peut-être ouest européen, dirait-on plus spécifiquement. Qu'est-ce que vous aimeriez dire en réaction à ce courrier? Est-ce que vous faites sienne ces observations, ces constats? Éventuellement. Si oui, est-ce que vous auriez une explication? Est-ce que vous auriez, une voie d'espérance? Comment vous réagissez à ce courrier? Qui voudrait commencer? Moi, je fais mien son constat parce que durant mon parcours, j'ai eu affaire à des bac plus 3 techniques. Qui, en l'occurrence, ne savait pas faire une chaîne de cotes. En fait, une chaîne de cotes, ça sert à dimensionner au sein d'un assemblage une pièce de telle sorte à ce qu'elle se monte. En fonction des dimensions et des tolérances des pièces voisines, on peut déterminer est-ce que la pièce va coincer, est-ce qu'il y a trop de jeu, etc. Et dans le domaine technique, c'est quand même du béaba. Et il y a des bacs plus 3, ils sortent, ils ne savent pas faire ça. Et quand bien même on leur explique avec des exemples simples, eh bien le principe, pour les pires d'entre eux, ils ne l'appréhendent pas. Ils n'appréhendent pas certains principes. Donc je le rejoins sur son constat. Donc de la baisse du niveau. Est-ce que c'était racial ou pas du tout? Est-ce que même des blancs n'arrivaient pas à appréhender le problème? Bon, en l'occurrence, ce n'était pas un blanc. Voilà. Mais est-ce que tu as constaté dans ton parcours, est-ce que tu as constaté aussi qu'il y avait des blancs qui arrivaient pas, je veux dire disons que moi je viens d'un environnement plutôt blanc et j'ai atterri dans un environnement plutôt marron. Et je pense que dans des zones marron, chez certains établissements, chez certains rectorats, le diplôme est attribué plus facilement à certains endroits qu'à d'autres. Ça, discrimination positive, bien sûr. Oui. Donc des diplômes indus. Donc toi, tu fais quand même une certaine corrélation avec des explications raciales. Non, je pose la question parce qu'on pourrait dire. Après, j'ai rencontré aussi des Maghrébins qui étaient vraiment des cracks. Ça m'est arrivé à quelques rares fois. C'est pas une généralité qui marche à tous les coups. Il y a des exceptions quand même. Je suis déjà tombé sur des Maghrébins très forts en maths. c'était un peu exceptionnel, mais ça existe aussi. Hein. Faut pas non plus. Bon, et même, La courbe de Gauss, hein, voilà, la courbe de Gauss. Ouais. Voilà, donc c'était simplement pour rejoindre son constat. D'accord, dans ton domaine, d'accord. Quelqu'un d'autre sur ce... Alors, qui veut commencer? Enfin, commencer. Moi, ouais. moi ouais. je veux juste rajouter une petite parenthèse, c'est que ça m'étonne pas, parce qu'en plus, là, ce qu'il disait sur l'attribution des diplômes, c'est que depuis quelques années, là, je sais plus exactement, mais maintenant, il y a le bac s'obtient avec du contrôle continu, il y a de plus en plus de diplômes qui sont obtenus par contrôle continu, même après le bac. Donc, bien sûr que ça fait diminuer le niveau, parce que, faudrait peut-être se mentir, c'est plus facile pour l'éducation nationale de tricher sur les résultats d'une personne avec un contrôle continu qu'avec un contrôle final. Hein. Donc, moi, ça m'étonne pas vraiment, en fait. Hein. Moi, déjà, c'est vrai que je me souviens que le niveau avait bien baissé quand j'avais passé le bac et quand j'avais été à la fac. Donc aujourd'hui, j'ose pas imaginer. Bon, le propos, je vais donner la parole après à Jean et à Vincent, mais je veux dire, comment dire? En fait, il y a les symptômes et il y a les causes. Donc les symptômes, on les voit. C'est ce qu'on appelle la baisse du niveau, la chute de l'orthographe, etc. Alors là, je crois que ça fait consensus. Il y a des tas d'exemples aujourd'hui. En plus, on a été dans une phase de bac, là, donc il y a toujours des copies qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup causer. Et au fond, ça fait beaucoup causer et ça ne fait pas avancer le Schmilblick, et ça ne peut pas le faire avancer, fondamentalement. Et c'est ce que touche du doigt Albert dans son courrier. C'est qu'il dit, en citant d'ailleurs Adolf Hitler, il dit, bon, un grand scientifique et finalement un grand artiste, un grand homme politique, ne peut pas être grand s'il n'a pas une conception qui le dépasse. C'est-à-dire qu'au fond, s'il s'agit juste de surperformer dans sa petite spécialité sans être rattaché émotionnellement, donc par le cœur, à quelque chose de plus vaste, on va sombrer dans la technique technicienne, et on ne va pas produire quelque chose de génial. Donc il faut avoir ce qu'on appelle l'inspiration, qui est quelque chose de très mystérieux. Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer une inspiration, mais il faut aussi être, en quelque sorte, ouvert intérieurement pour vouloir faire quelque chose de grand qui, par définition, ne peut pas être limité à sa carrière. Hein. L'ambition, ça existe, bien sûr, c'est un élément important de la psychologie humaine, mais ça ne peut pas tout justifier. Donc c'est là qu'intervient l'idéalisme, quoi. C'est d'avoir une grande inspiration, c'est un souffle qui nous porte. Et en France, aujourd'hui, et c'est vrai en Occident de manière générale, c'est que ce système est un système il n'y a plus de souffle collectif pour réaliser quelque chose de grand ensemble. Il n'y a plus l'empathie nécessaire. Pourquoi ? D'abord parce que l'évolution de la société a voulu que la société de consommation, telle qu'elle est conçue, qui cultive beaucoup, l'individualisme comme mode de vie, le lieu de résidence aussi, c'est qu'on n'est plus dans des communautés organiques, on est grosso modo dans des appartements éclatés, atomisés, donc les gens n'ont très peu de rapport avec leurs contemporains, sauf dans des tribus reconstruites de briques et de brocs, très simplement, les gens qui vont dans des concerts écouter les mêmes groupes, bon voilà, ça dure 2 heures, ensuite donc les gens se rassemblent et se séparent, mais ça crée pas une unité, ça. Donc ces gens ne peuvent pas vibrer ensemble pour vouloir quelque chose ensemble. Il ne peut pas y avoir de vouloir collectif. Il y a un vouloir individuel qui est limité par définition. C'est ce qui touche du doigt, hein, dans son courrier. Et je crois que donc c'est voulu, c'est recherché. Hein. Il n'y a pas de vouloir collectif puisque c'est foncièrement découragé par le type de société qui existe aujourd'hui en Occident. Hein, donc démocratie libérale, là, vous connaissez tout ça. Je dis démocratie libérale au sens politique du terme, hein. Je parle pas au sens économique, je parle au sens politique du terme. Hein. Peut pas y avoir de valeur collective qui subordonne l'individu. C'est totalement récusé. Du coup, on a des gens qui veulent faire des carrières, mais là on tombe dans la médiocrité assez vite. Et ensuite il y a l'utilitarisme qui est dramatique. Alors là, ça nous explique pourquoi on en est où nous en sommes. sans parler du féminisme, avec la dénatalité, etc. Bon, là, je ne vais pas revenir, ça nous amènera trop loin, mais l'immigration, c'est ça. On nous dit, ah, oui, il n'y a pas assez d'eux, donc on n'a pas assez d'ingénieurs blancs, on n'a pas... Ah ben, c'est pas grave, on va faire venir d'Inde, d'Afrique, de trucs. Bon. Et puis, évidemment, non, c'est pas aussi simple. C'est bien en théorie, mais ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que, oui, un ingénieur indien, vous allez peut-être en trouver un qui va... mais c'est pas un ingénieur allemand. C'est parce qu'il y a quand même des déterminismes ratios là-dedans. Et là, le serpent se mord la queue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de souffle collectif qui nous porte et qui pousse un peuple à vouloir se dépasser. Donc le terreau n'est plus présent. La société a évolué de telle manière qu'on n'a plus justement ces écosystèmes pour produire ces génies. On essaye des prothèses, l'immigration, pour pallier au manque, qui aggrave en fait la situation parce qu'on prend des nuls pour compenser des absents, et parfois les nuls font plus de casques que s'il n'y avait personne, en fait. Et là, c'est la spirale, et on s'écroule. Et voilà, bon, c'est la situation, et c'est ce qui explique là où nous en sommes aujourd'hui. Alors après, on peut se lamenter sur la chute du niveau, etc. Oui, mais enfin, on ne répond pas à la cause première, hein, je veux dire, voilà. Donc en fait, il faut complètement, pour le coup, c'est ça, il faut déconstruire la déconstruction, en réalité, hein. C'est-à-dire, il faut déconstruire la déconstruction, il faut déconstruire la démocratie pour commencer à pouvoir voir un semblant de lumière. Voilà moi ce que je voulais dire. Maintenant, je donne la parole à Jean Bureau et je donne la parole ensuite à Vincent. Oui, alors bon, t'as déjà fait une belle conclusion, mais pour revenir un petit peu en amont, c'est vrai que moi j'ai eu aussi également des témoignages très concordants sur la chute catastrophique du niveau dans l'enseignement supérieur, qui en fait résulte de la chute du niveau en amont, évidemment, si on n'apprend rien au collège et au lycée, ben on sera incapable une fois qu'on arrive au-dessus. Et cette chute généralisée du niveau, on a l'impression que c'est inéluctable parce que le système a été réorienté de manière à ce que les gens soient de plus en plus nuls. Bon, par exemple, on n'enseigne plus le passé simple à l'école. C'est quelque chose qu'on a abandonné. Donc, on considère qu'en fait, le niveau doit être nivelé par le bas. Et donc, eh ben, évidemment, si on n'enseigne plus les bases de la langue française au collège, une fois qu'on arrive au lycée, dans l'enseignement supérieur, les copies sont truffées de fautes d'orthographe. Mais j'aimerais revenir sur ce côté un petit peu catastrophiste du courrier qui, à mon avis, est un petit peu extrême. Je pense qu'il y a une contraction, une régression très forte de la civilisation européenne, qui n'est pas une première dans l'histoire des Indo-Européens, des Européens, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs phases d'empire, d'expansion, de gloire, et ensuite une période de contraction et de perte des savoirs. Et je pense qu'un exemple à donner, c'est l'Empire byzantin. Les gens le savent peu, mais il y a des inventions qui datent de l'Empire byzantin qui ont été complètement perdues de la connaissance et des choses qu'on est incapable de reproduire. Notamment, ils avaient des méthodes de feu grégeois pour défendre Constantinople qui ont été tellement bien gardées, le secret a été tellement gardé avec beaucoup d'attention que à la chute de Constantinople, ces savoirs ont été perdus. Donc, c'est pour dire en fait. Les Indo-Européens, la règle dans l'histoire, c'est que ils sont plutôt de faibles nombres par rapport à une masse. Je pense que Claude Nancy dans Les races humaines le montre très bien. Et donc, il faut pas s'alarmer outre mesure, à mon avis, de la baisse du nombre de blancs qui est prévu et de la chute du niveau, puisque à mon avis il reste des individus de grande qualité même aujourd'hui, et le temps décantera cette qualité, et on la verra peut-être dans plusieurs décennies, et on verra que même dans des temps de d'effondrement généralisé, il y a quand même des gens qui tenaient le pavé assez haut. Moi, je te rejoins dans ce que tu dis, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que dans ce qu'on vit, je dirais que c'est l'épreuve du feu, vous savez, c'est ce qui se produit, c'est-à-dire que nous avons là, par exemple, les gens qui ne veulent pas faire d'enfants, je veux dire les gens de gauche là, qui militent, etc., mais en fait, il faut s'en féliciter, parce qu'en fait, ils sortent du pool génétique, les éléments les plus défaillants pour le collectif. Donc, vous pouvez observer, vous pouvez appréhender ces phénomènes de deux façons différentes. Vous pouvez dire c'est terrible, etc. Ou alors, ah, c'est une épreuve. Mais comme dit l'expression, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, je crois que c'est ça. Alors là, on vit une épreuve formidable. Bon, déjà, je pense qu'on est sur un temps long. C'est-à-dire que déjà, l'Europe a été éclipsée par l'Amérique du Nord, mais dans un temps très court, au fond, parce que ça durait un siècle. Elle a été éclipsée. L'Europe, aujourd'hui, donc, est vieillissante, elle ne fait pas assez d'enfants. Mais je crois que les races sont très résilientes, au fond. Beaucoup plus résilientes que ce qu'on pourrait croire. Les races ne sont pas des accidents de l'histoire, hein. Ce sont des choses très très très très très solides au fond, très très résilientes. Et je crois que ce qu'on traverse là, en fait, c'est une phase d'épuration. Donc je pense qu'il y a des scories qui sont en train d'être éliminées dans la race blanche, et ce qui va en être conservé va être la base d'une nouvelle création. Donc je pense qu'on est dans une phase cyclique. De toute façon, bon, à titre personnel, j'ai plutôt une conception cyclique de l'évolution, et je crois que c'est une phase nécessaire de purge intérieure par l'épreuve, par la difficulté, par les enjeux, etc. Et que ce qui peut nous paraître comme étant effectivement, et de fait ça l'est, un effondrement, recèle en lui-même d'une renaissance. C'est-à-dire que ceux qui résistent sont le substrat qui va servir de renaissance au monde aryen. Je crois que c'est ce qui est en train de se produire, à mon avis. Donc tous les perdants, tous les défaillants défaillent, c'est normal, ils sont en train de le faire dans des proportions considérables d'ailleurs, et je pense qu'on va le voir vraiment de manière spectaculaire sur les 10-20 prochaines années. Ça va être, à mon avis, tout à fait spectaculaire. Mais ce n'est pas la fin, évidemment, du monde, mais certainement pas la fin du monde européen. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus être, comme tu l'as bien dit, excessivement catastrophiste, ce qui ne veut pas dire qu'il faille nier la catastrophe qui est sous nos yeux, quoi. Après, il ne faut quand même pas oublier, oui, que c'est le monde entier qui est en train de connaître un hiver démographique aussi, hein. Pas le monde entier, non. C'est le monde africain et musulman se porte très très bien. C'est l'exception, mais sinon, si tu regardes en Amérique latine, Asie... Il y a un hiver démocratique qui se profile, et d'ailleurs, c'est... J'aimerais bien qu'il y ait un hiver démocratique. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un hiver démocratique. Ah, démographique. mais oui, aussi démocratique, je pense aussi, parce que de toute façon, la démocratie, c'est l'invention des Blancs, et ça va disparaître avec... ça va s'écarter. Jean, qui voulait reprendre la parole, mais ensuite Vincent. Oui, c'est simplement pour aller dans ton sens et dire que c'est extrêmement enthousiasmant comme perspective de dire que nous sommes les artisans aujourd'hui du temps long et que on a quelque chose à faire puisque c'est une période de difficulté et donc il faut travailler. Ça va pas tomber tout cru. Il faut soi-même essayer d'accumuler un maximum de connaissances, chercher à les sauver, à les transmettre. Transmettre à d'autres de sa race ou à ses enfants, c'est comme ça que un maximum de choses survivront. Alors là, c'est difficile, mais peut-être que dans 200 ans, nos descendants repartiront, et plus on aura sauvé, plus on aura travaillé aujourd'hui, le plus facile ce sera pour eux et le plus haut ils pourront aller. Vincent, sur le courrier de notre auditeur, qui constate la chute dramatique du niveau scientifique. Qu'aurais-tu à dire ? Alors là, moi, je suis tout à fait d'accord avec Jean, avec toi. Nous sommes dans une période très, très excitante, parce que voilà, nous sommes à la croisée des chemins, et c'est toujours excitant d'être à la croisée des chemins. Et en effet, rien n'est perdu. Et au contraire, tout est à gagner. Comme tu l'as très bien dit, c'est une épreuve, et ceux qui l'auront passé vont repartir. Alors, je vais peut-être un petit peu développer, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec le constat de l'auditeur, et comme a dit Jean, dans sa faculté, ce qu'il ne voit, ce n'est que le résultat de ce qui se passe en amont. Et en amont, en effet, comme on n'apprend plus rien, eh bien, on arrive avec des élèves qui sont nuls. Nuls aujourd'hui. Alors, le pire, c'est qu'on fabrique en plus des aigris, parce qu'on les surnote pendant qu'ils sont au lycée. Et une fois qu'ils arrivent des fois dans des vraies grandes écoles, ils sont surpris de rater et ils disent « mais je comprends pas, pourtant j'étais bon ». Oui, mais enfin, t'étais bon avec des surnotes à 80%, donc c'était faux ça. Alors, en effet, plus tard, ce sera très intéressant de tirer les leçons de cette époque pour repartir sur des bonnes bases. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fabrique des crétins? Alors moi, je parle surtout en science parce que c'est mon domaine, hein. Après, je déborde pas ailleurs. Il y a, je dirais, trois raisons pour lesquelles on fabrique des crétins. C'est qu'on a déjà évacué l'enseignement par cœur. On n'apprend plus, quand on est petit, des choses par cœur. Des poésies, les départements. Alors, on dit ça sert à rien. Bien sûr qu'en lui-même, la liste des départements par cœur, ça sert pas à grand-chose. Mais ça a éduqué la mémoire et ça l'a développée, ça l'a fortifiée. Or, après, la mémoire, elle sert justement dans des problèmes plus complexes. C'est-à-dire que grâce à la mémoire, on réfléchit sur les choses importantes et on laisse le cerveau comme en sous-tâche. On le laisse trouver des petits résultats faciles. Permettez-moi de donner un exemple très simple. Je vais vous poser un petit problème mathématique d'une ligne et demie, hein. J'ai 21 personnes à transporter par bus de cette place. Donc 21 personnes à transporter par bus de cette place. L'allocation d'un bus coûte 400 euros. Je dispose de 1000 euros. Le transport sera-t-il possible? Bon. Eh bien, pour résoudre ce problème, un élève qui connaît parfaitement ces tables de multiplication que l'on apprenait par cœur dans le temps va dire, ah oui, 21 personnes par bus de cette place, 7 fois 3, 21, il le sait tout de suite. Il n'a même pas besoin d'y penser. Et donc, il sait qu'il faut 3 bus. Bon, 3 bus, 400 euros le bus, 1200 euros, j'ai 1000 euros, c'est pas possible. En 20 secondes, un élève qui connaît ces tables par cœur, qui connaît la structure des nombres, va vous répondre. Non, c'est pas possible. Alors que l'élève qui connaît pas ces tables de multiplication, ah, 21 personnes par bus de cette place, ah oui, alors ça fait combien de bus, ça? Il est obligé de prendre sa calculatrice, de faire 21 divisé par 7, s'il a compris qu'il fallait faire 21 divisé par 7, hein, mais bon. Et pendant qu'il prend sa calculatrice et qu'il fait le calcul, il ne pense plus au problème, il perd le fil. Et à la fin, quand il aura son résultat 3, il ne saura plus où il en est. Il ne saura plus qu'il faut multiplier 3 par 400. Ça, je peux vous dire que dans mes cours particuliers, je l'ai vu toutes les semaines. Des élèves qui, n'ayant pas les bases et ne sachant pas utiliser leur mémoire, sont obligés d'interrompre des raisonnements pour prendre leur calculatrice, et ils n'y arrivent pas. Voilà. Et donc, on a évacué le par cœur au motif que ça ne servait à rien, alors qu'en fait, ça sert à tout le par cœur. Ça vous allège votre travail, ça vous permet de vous concentrer sur les tâches importantes et complexes. Deuxième chose qu'on a évacuée, et ça, c'est dû à, il y a beaucoup de raisons, c'est qu'on n'a plus de concepts. On n'imprime plus des concepts aux gens, aux élèves. C'est-à-dire qu'on travaille par l'exemple. Quand on veut apprendre une notion, on va faire des exercices. On va apprendre le théorème de Thalès en faisant des exercices. Voilà. Et donc ça, c'est un écho très récent de la querelle des universaux, hein, du 10e et du 11e siècle. Hein. Je veux dire, c'est pas nouveau comme truc. Hein. Mais jusqu'à présent, on savait qu'il y avait des universaux. Mais maintenant, on ne le sait plus. Donc, on dit non, il n'y a plus de concept, on apprend tout par l'exemple. Par exemple, je vais vous donner un truc tout bête. Si je veux vous apprendre ce que c'est une voiture, soit je vous donne la définition, c'est-à-dire que je vous imprime un concept dans le cerveau. Une voiture, c'est un objet qui a 3 ou 4 roues et qui, grâce à un moteur, peut se déplacer sans être ni poussé ni tracté par un moyen humain ou animal. Voilà ce que c'est une voiture. Bon. Une fois que vous savez ça, vous savez ce que c'est. Et vous savez qu'après, il y a le caractère essentiel de la voiture, c'est le moteur et les 3 ou les 4 roues pour qu'elles soient en équilibre et qu'elles puissent se déplacer. Et puis après, vous savez qu'il y a des choses accidentelles. Les sièges, le volant. Bon, naturellement, s'il n'y a pas de volant, je peux aller en ligne droite, je n'irai pas très loin. Mais n'empêche que ce serait quand même une voiture. Et vous apprenez donc ce qui est l'essentiel dans une notion, l'accidentel. Bon, l'autoradio, c'est vraiment super accidentel dans une voiture. Aujourd'hui, comment on fait? On dit non, on va faire un cours sur les voitures, alors je vais vous montrer les photos. Alors on montre une voiture, une Mercedes, une Peugeot, et on dit voilà, ça c'est des voitures. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'élève, il sait pas, il a eu quelques images, et quand vous lui redemandez, mais c'est quoi une voiture? Il va vous répondre, ça peut être jaune, parce qu'il s'en souvient qu'il en a vu une jaune. Oui d'accord, mais ça c'est pas une diffusion de voiture, un poussin c'est jaune, c'est pas une voiture. Dedans on peut mettre un autoradio. Oui, d'accord, mais enfin, je peux mettre un autoradio chez moi, dans ma cuisine, ça n'avancera pas. Et donc, ils n'ont absolument plus, c'est une bouillie intellectuelle, où ils n'ont plus que des savoirs locaux, voilà. Alors, le théorème de Thalès, c'est quand il y a deux droites parallèles. Enfin, non, il n'y a pas que ça, c'est pas le théorème de Thalès, ça, c'est rien. Et donc, il est évident qu'en fac, ces élèves-là, c'est nul, c'est du sous-nul, ça ne vaut rien. Et la troisième chose, qui dérive de l'absence de concept, c'est la totale absence de hiérarchisation et des savoirs. Les élèves ne savent plus ce qui est important, ce qui n'est pas important, forcément parce qu'ils ne savent plus le concept. Ils ne savent pas ce qui est accidentel et essentiel. Et j'avais surveillé, quand j'étais prof, une épreuve dans des lycées professionnels. C'était une épreuve, en gros, d'éducation civique, peu importe. Et le sujet, c'était comment éviter la pollution. Et après, alors on était deux surveillants, il y avait une femme et moi, et après on a lu les copies. Bon, ça remonte à il y a 30 ans, je m'en souviens encore, tellement que c'était risible. Par exemple, alors, pour comment éviter la pollution, il y en a un qui disait, il ne faut pas jeter de feuilles mortes dans l'eau. Un truc absolument stupide, je veux dire, les feuilles mortes, elles vont dans l'eau naturellement, mais pourquoi? Parce qu'on lui avait certainement dit que si dans des réservoirs d'eau potable on met des feuilles mortes, ça va faire et des bactéries. Donc il nous ressortait ça. Alors il y en avait un autre qui avait dit il ne faut pas faire pipi dans l'eau. Mais ça c'était un truc à la piscine. Mais c'est pas... Et le mieux c'était, il y en avait un qui avait dit il ne faut pas jeter de bombe atomique dans l'eau. Comme si tous les jours, moi j'avais une bombe atomique dans la poche, tiens je veux m'en débarrasser, je vais l'acheter dans l'eau. Non, faut pas que tu jettes ta bombe atomique dans l'eau. Et là pourquoi? C'est parce qu'on lui avait appris qu'il y avait eu des essais nucléaires à Mururoa, etc. Mais ça n'avait rien à voir avec la pollution. Enfin, je veux dire, c'est pas les problèmes centraux de la pollution. Mais on avait eu des copies, on était morts de rire. Parce qu'il n'y a aucune hiérarchisation. Donc, on a une fabrique de crétins qui arrivent, donc, avec des bonnes notes parce qu'on les surnote. Et ils arrivent dans les écoles prépa et en fac. Et en effet, ça fait une chute du niveau total. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cela? Et bien là, je suis comme Gandalf et Jean, je dis, et sûrement tous les autres ici, je dis que c'est une épreuve. Et justement, pour l'instant, on ne peut rien faire. Ça va être la chute. Ça va être la chute effroyable. J'ai peut-être une suggestion. C'est mieux ainsi. Je te laisse parler, bien sûr. Pardon, je t'en prie. Non, mais c'est justement sur ce thème, mais je te laisse finir quand même. Alors, je termine, j'en ai pour 2 minutes. Moi, ce que je dis, c'est qu'on aura toujours des avancées technologiques. Parce qu'il y a l'appât du gain, qui dit technique, le premier qui va réussir à faire un ordinateur quantique, c'est des milliards qu'il va recevoir. Pour l'instant, on n'en est pas encore très loin, mais enfin, ça se fait. Donc, il y aura toujours des avancées technologiques, mais elles vont nous conduire vers un univers, j'en ai déjà parlé, interconnecté et transhumaniste. Parce que c'est ça qu'on veut aujourd'hui, tous les gens veulent de la sécurité. Donc, on va arriver à un univers totalement interconnecté, c'est-à-dire l'univers du contrôle permanent, aussi bien sanitaire que financier, etc. Et on va arriver dans une société, la société de l'enfer, la société de l'esclavagisme, où on sera contrôlé en permanence. Est-ce que vous êtes vacciné? Est-ce que vous avez ci? Est-ce que vous avez ça? Et cette société, il y aura toute une série de gens qui vont être exclus de cette société. Et ce sera l'élite, paradoxalement. Ce seront des gens qui auront un esprit libre, qui refuseront les contrôles, qui refuseront tous ces savoirs artificiels. Et pour moi, ces gens étant rejetés, formeront des petites communautés où justement on pourra refaire un enseignement traditionnel, où l'on vivra sainement, où l'on reprendra les savoirs basiques des sociétés traditionnelles. Et quand ce monde interconnecté s'effondrera, parce qu'il s'effondrera, à ce moment-là, comme a dit très bien Jean, la civilisation va repartir et elle repartira d'autant mieux que dans ces petites communautés, on aura conservé du savoir, des méthodes, et qu'on pourra dire aux gens, regardez pourquoi ça s'est effondré, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que moi je suis très optimiste, et j'en termine là, et je trouve qu'on vit une époque formidable, comme disait Reiser, je ne suis pas dans le même sens, et que c'est vraiment, moi je n'aimerais pas vivre une autre époque, c'est vraiment une époque fantastique, parce que c'est l'époque de la grande épreuve. Alors, nous allons dans la rubrique numéro 2, France juive. Oh là là, il y a de quoi dire, Vincent. Pourquoi je me tourne vers toi, Vincent? Je me pose la question. C'est Mathilde Panot, France insoumise. Alors, vous savez, là, c'est le grand théâtre républicain. On a tous ces députés qui arrivent, qui font semblant de s'affronter, car rassurez-vous, ils sont d'accord sur l'essentiel. De l'extrême droite à l'extrême gauche, je tiens à le souligner. Et alors, ça brasse de l'air, ça s'affronte, etc. Et alors, cette semaine, il y avait le discours de politique générale de la pseudo-premier ministre. Alors, j'ai horreur de cette expression, la première ministre. C'est absolument horrible, ce féminisme verbal, là. Voilà. Donc, le premier ministre est exprimé. Et c'était donc Madame Bornstein. J'aime bien citer les noms complets. Pourquoi les juifs se rabotent le nez et le nom? Comme disait. Comme le sexe. Aussi. Non, mais il y a un truc. Non, voilà. C'est Madame Bornstein, hein. Voilà. Pourquoi ils ont honte de leur patronyme? Alors que par ailleurs, ils sont si fiers d'être juifs, je ne sais pas. Donc, Madame ça nous empêche de deviner qu'ils sont éventuellement fils ou filles de rescapés. On ne peut pas deviner. Ouais. Alors, Mathilde Panot de la France Insoumise a dit que Madame Bornstein était une rescapée, sous-entendu politique. On l'écoute, on se retrouve, ça a déclenché une polémique. Madame Born, il faut le dire, vous êtes une rescapée. Vous êtes la première ministre la moins bien élue de la Ve République. Vous avez maintenu un gouvernement à trous et à sursis. Trois de vos ministres ont été défaits aux législatives. La ministre des Outre-mer a tenu 36 jours avant de prendre la fuite. Que dire du ministre accusé de plusieurs viols, maintenu en poste jusqu'à lundi, ou de celle visée pour des viols gynécologiques, toujours en fonction à ce jour? Alors, du coup, cette sortie, qui paraissait quand même assez anodine, hein, voilà, vous êtes une rescapée, oui, une rescapée, oui. Eh bien, ça a plongé le monde juif en convulsion. Et parce que, déjà, on n'a peut-être pas expliqué aux Français que Bornstein s'appelait Bornstein et pas Born, et qu'elle était juive. Hein. C'est pas ce qu'ils ont mis en avant tout de suite. Hein. Et donc, ils ont découvert, à la faveur de cette prise de parole de Mathilde Panot, que Madame Bornstein était apparemment une rescapée elle-même de l'Holocauste. Je cite Raphaël Enthoven, hein, donc l'impayable Enthoven, hein, la voix du centre macroniste entre tous. Après l'abject durafour crématoire, Mathilde Panot, dans la droite ligne de Le Pen père, parle de rescapée à propos de la fille d'un résistant rescapé d'Auschwitz. Ignorance ou monstruosité délibérée, s'interroge Enthoven sur Twitter. Intéressant comme interpellation publique, hein, de la part de Monsieur Enthoven. Alors, avant de donner la parole à nos membres, une réaction de Dan Ritt sur ELB, j'ai beaucoup aimé son propos. Le fond de la polémique tient à la nature psychologique profonde des Juifs. Leur théorie de peuple élu leur donne un tel sentiment de supériorité qu'ils deviennent hystériques lorsque l'un d'entre eux est critiqué par un goy. Quand ils n'ont pas le pouvoir, ils font profil bas et ravalent leur rancœur. Mais quand ils ont le pouvoir, ils n'acceptent plus le moindre outrage. Ils le prennent comme un sacrilège. Ce fait divers est un parfait révélateur de deux choses. La nature hystérique des Juifs, bien exposée par Hervé Risset dans ses ouvrages, et le niveau de toute puissance dont ils disposent désormais dans ce pays. C'est très bien. La coupe sera bientôt pleine. Cette arrogance odieuse est toujours le dernier stade de l'enjuivement maximum avant la révolte des goïms. N'oubliez jamais la question fondamentale. Si les Juifs ont vraiment subi toutes les persécutions dont ils nous parlent, qu'ont-ils bien pu faire subir aux autres peuples pour que ceux-ci en arrivent à de telles exactions? À supposer qu'elles aient lieu d'ailleurs. Voilà, ça c'était l'interrogation de Dan Ritt que je salue au passage. Je donne la parole peut-être à Vincent. Voilà, donc, alors on est à l'extrême gauche, hein. Mathilde Panot c'est l'extrême gauche, hein, voilà. Donc elle dit Madame Born, hein, voilà, vous êtes une rescapée, bon, politique électorale, hein, voilà, ouais, bon alors, il n'y a pas de quoi en mener large, hein, si j'étais à votre place. C'est en gros le fond du propos. Et là, en fait, bah, le soulèvement général. Comment, quoi, antisémitisme, là? Et Enthoven s'empresse de citer l'affaire de Durafour crématoire. Et c'est ce qui avait d'ailleurs valu, je rappelle quand même, avant de donner la parole à Vincent, que c'est ce qui a valu l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National par sa propre fille. C'était l'expression, fournée. C'était la fournée. Le Pen avait dit, ouais, on va faire une fournée, c'est l'expression populaire, on va faire une fournée, on va faire un tout pour le lot, quoi, hein, voilà, c'est tout. Et alors, on avait prêté à Jean-Marie Le Pen une allusion au four crématoire d'Auschwitz, et on avait dit, parce qu'il parlait de Bruel, il a dit, oh non, ouais, on va faire une fournée, parce que je sais pas ce qui s'était passé, il y avait encore une controverse, Bruel avait dû dire un truc, et Jean-Marie Le Pen avait dit, oui, oh, bon, voilà, voilà, pff, vous savez, on peut tous les mettre dans le même sac, en gros, c'est ce qu'il avait dit, on peut tous les mettre dans le même sac. Il avait dit, ouais, on fera une fournée, comme ça, voilà. Les Juifs avaient dit, bah voilà, c'est la preuve, Jean-Marie Le Pen veut mettre les Juifs dans des fours, voilà. Et alors, Marine Le Pen s'était précipitée pour exclure son père à cette occasion. Alors, Vincent, alors là, on n'est pas à l'extrême droite, mais visiblement, ça change rien. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Vincent? Ah ben alors, déjà, moi, je dirais que je ne plains pas l'extrême gauche, parce qu'elle se prive jamais quand, en face, il y a des allusions qui s'appellent révisionnistes, etc. L'extrême-gauche se lève en premier. Elle a été la première à critiquer Le Pen, etc., avec du four crématoire à l'époque, je m'en souviens. Donc, je ne les plains pas. Quand ça leur revient comme un boomerang sur la figure, je m'amuse. Donc, ça, ce spectacle m'amuse. Alors, naturellement, on peut faire toute une... tout un développement sur les Juifs qui sont arrogants, comme Enthoven, etc. C'est tout à fait vrai. Mais moi, dans ces moments-là, je préfère carrément contre-attaquer et profiter toujours de ces affaires pour rappeler certaines vérités qu'ils n'aiment pas trop. Parce que on a dit, bah oui, elle est Madame Bornstein. Et la fille d'un déporté à Auschwitz, de Joseph Bornstein. Oui, c'est vrai. Mais il faudrait peut-être un peu voir cette histoire là de son père là. Alors, il faut surtout pas aller voir des choses révisionnistes. Non, mais moi j'ai pas été voir. J'ai pas besoin d'aller voir sur un site extraordinaire. J'ai été voir sur Cultea. Donc Cultea. Exactement, c'est un site on ne peut plus officiel. Et qu'est-ce qu'on voit à propos de son père? Donc, c'était une famille juive polonaise qui, en 39, voyant que la défaite va arriver, se réfugie en France, dans le sud de la France. Très bien. Donc, voilà des juifs polonais qui ont peur des méchants nazis et qui se réfugient en France. Très bien. Et maintenant, je lis, en août 1942, alors que le régime de Vichy instaure la traque des Juifs dans le pays, Joseph et son frère Isaac sont arrêtés devant leur domicile. Ces derniers commençaient à entrer en contact avec un réseau résistant. Ils sont alors enfermés puis incarcérés dans le camp de Rivesaltes. Néanmoins, leur père parviendra à les faire s'évader en soudoyant un gardien. Donc voilà déjà des Juifs qui, alors, nous dit-on, qu'on fait une traque dans tout le pays, veulent rejoindre la résistance. Là, c'est un peu... Voilà pourquoi ils sont arrêtés. S'ils ne sont pas arrêtés en tant que juifs, ils sont arrêtés certainement parce qu'ils ont été dénoncés ou ils ont été repérés en tant que juifs qui commencent à fricoter avec la résistance. Deuxièmement, leur père arrive à les faire s'évader en soudoyant un gardien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il n'a pas carrément négocié avec les autorités? On ne sait pas, ce sera intéressant de voir, mais il n'y aura sûrement pas de papier, pas d'archives. Mais ce que je vois, c'est qu'à Vichy, un juif peut aller voir un gardien et lui donner du fric pour dire « laisse sortir mes deux fils ». Bon, déjà, moi je pensais qu'ils étaient terrorisés, planqués chez eux. Non. Et d'ailleurs, dans mes archives, j'ai l'histoire d'une juive. Sa sœur meurt à Lublin, très probablement donc au camp de concentration de Majdanek, et elle écrit aux autorités allemandes en disant « voilà, comme elle est morte, d'après nos rites, il faut qu'elle soit entourée, qu'elle soit mise dans un vêtement en lin. Je suis prêt à payer le vêtement en lin. Est-ce que je peux l'envoyer pour que l'office religieux mortuaire soit fait dans les formes ?» Donc voilà une femme qui, ça se passait en 43, qui n'avait pas tellement peur des autorités allemandes en 43, puisqu'elle s'adresse directement à eux. Bon, je continue avec Bornstein. Donc les deux frères ont réussi à sortir d'un camp. Ok, ils ont failli être déportés. Ils savent maintenant qu'ils sont suspects de résistance et qu'ils sont sûrement recherchés parce qu'ils sont évadés du camp de Rivesaltes. Ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on se tient tranquille. Hein. Moi, en Angleterre, là, je vais pas aller participer à des réunions de l'extrême droite, hein, s'il vous plaît. On m'a déjà invité, j'ai toujours dit non. Bon. Alors, vont-ils se tenir tranquilles? Non, je continue à lire, c'est pas moi qui l'écris, hein, c'est Culture. Les frères se font appeler bornes lorsqu'ils intègrent la résistance. De fait, leur mission consiste à convoyer des hommes et des femmes de Grenoble dans le Tarn afin d'y rejoindre le maquis de Bic. Cette mission est dirigée par Abraham Polonski, fondateur de l'organisation juive de combat. Joseph et Isaac font alors de nombreuses fois le trajet de Grenoble vers le Tarn, risquant leur vie à chaque fois. Donc voilà deux juifs qui ont été extraits grâce à leur père d'un camp et qui reprennent des activités de résistance. On nous dit qu'à chaque fois ces activités, bon, ils risquent leur vie, peut-être pas, mais enfin bon. Malheureusement, le 24 décembre 43, des miliciens perquisitionnent l'appartement de la famille. Ils arrêtent les trois frères ainsi que le père de famille. Joseph Born émettra une hypothèse sur cette arrestation après la guerre. J'ai probablement été suivi et été arrêté avec mon père et mes deux frères. Il est aussi possible qu'on ait été dénoncé. Voilà. Voilà des gars qui devaient se tenir tranquilles. Non, pas du tout. Ils intègrent la résistance. Ils sont des résistants actifs. Mais je leur dis, mais de quoi vous plaignez-vous? Je veux dire, c'était évident que dans l'histoire, vous alliez vous faire arrêter à un moment ou à un autre. Bon. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont cette fois arrêtés. Ah, il n'y a plus personne pour les faire s'échapper. Et ils vont être déportés à Auschwitz, puisque c'est là qu'à l'époque, il y a les grands centres de travail, et que comme les Allemands veulent utiliser les Juifs aptes au travail à l'industrie de guerre, ils vont là-bas. Et on lit, Joseph et Isaac sont envoyés comme main-d'œuvre dans le camp de Buna, donc c'était Monowitz, c'était Auschwitz III, une usine de peinture qui travaille pour l'industrie de guerre. Quant à Zelig, c'est le père, et Albert, le jeune frère, qui a 13 ans, ces derniers sont envoyés dans la chambre à gaz dès leur arrivée. Bon, alors ça, c'est toujours leur grand truc. Quand des gens ont été déportés et ont disparu, ils nous disent toujours qu'ils ont été gazés à leur arrivée. Alors ça, c'est absolument pas certain. Je n'y crois pas du tout, mais je veux dire parce qu'il y a pas eu de chambre à gaz, mais ce n'est absolument pas certain. Et on a des tas d'exemples de gens qui ont été séparés à leur arrivée à Auschwitz, mais où les gens, les jeunes et les plus âgés, n'ont pas été gazés. Hein. On a notamment le 28 septembre 45, il y a une photo qui a été publiée, où on voit un père qui était déporté à Auschwitz avec sa fille, qui avait à l'époque 6 ans. Hein. Et bien, ils ont été séparés à leur arrivée. La fille, bon, sûrement a été mise dans le camp, hein, quand il était des enfants. Le père, lui, a été envoyé, lui aussi, à Monowitz, où il a travaillé pendant 4 ans. Et en 45, enfin pendant 3 ans un peu plus, et en 45, il a retrouvé sa fille bien vivante à Auschwitz. Voilà, et je suis persuadé que si sa fille était morte du typhus, parce qu'elle aurait pu mourir du typhus, aujourd'hui ce père dirait, ou ce père aurait dit à l'époque, elle a été gazée dès son arrivée. Eh bien non, en fait, elle n'a pas été gazée. Lui a eu la chance de la retrouver, mais les Bornstein, je suis persuadé que c'est pareil. Ils n'ont pas été gazés, le père et le fils ont été mis ailleurs. Probablement sont-ils morts à un moment ou à un autre, mais ils n'ont pas été gazés. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que quand les Russes sont arrivés à Auschwitz, enfin, donc, le 18 janvier, enfin, après le 18 janvier 1945, ils ont retrouvé 770 enfants de moins de 18 ans, dont la plupart étaient des Juifs. Et ces enfants avaient été déportés pour la majorité lors du premier trimestre 44, c'est-à-dire en pleine extermination des juifs hongrois. Oui, si on en croit officiellement la version, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, si on en croit la version officielle, ces enfants sont arrivés, ils étaient inaptes au travail. La plupart sont arrivés d'Italie, de Slovaquie, de Yougoslavie, mais ils n'ont pas été gazés. Alors quoi? Alors normalement, ils auraient dû l'être. Ils avaient tout le temps, les Allemands, de le faire. Eh bien non. Donc les Russes ont retrouvé ces 770 enfants dont on a la liste, dont on a la provenance, on a tous les renseignements. Et on nous dit, donc les deux grands frères ont été déportés à Monowitz. Et plus tard, le père de Elisabeth n'a jamais voulu en parler parce qu'il a été probablement traumatisé. Alors là, sûrement pas, parce qu'on a des témoignages de Monowitz, c'était un camp de travail qui servait à l'industrie de guerre. je peux vous dire que là, les gens, ils étaient traités au mieux pour donner le plus grand rendement possible. Et on a le témoignage d'un juif sur le Monowitz qui a eu le courage en 1945 de témoigner pour la défense dans un procès allemand en disant que contrairement à Birkenau où la nourriture n'était pas bonne, à Auschwitz III la nourriture était bonne et en quantité adéquate, que le logement n'était pas mauvais, que les déportés dormaient dans de beaux lits à 3 étages et que l'endroit était tenu scrupuleusement propre. Et l'habillage était maintenu en état correct, y compris les chaussures qui étaient changées lorsqu'elles étaient abîmées. C'est-à-dire que donc on ne voulait pas que les gens aient des mauvaises chaussures puisqu'il fallait qu'ils aient pour travailler, c'était mieux. Et il a avoué que les déportés travaillant à l'extérieur étaient équipés de chaussures de cuir. Il y avait à Monowitz des installations pour les malades, 4 blocs hôpitaux, 1 bloc pour les convalescents et 1 clinique dentaire. Les soins médicaux, a-t-il dit, étaient adéquats pour l'époque. Le camp possédait des infrastructures destinées au divertissement et pendant sa déportation, il avait même assisté à plusieurs événements sportifs, notamment du football. Et moi, j'ai des témoignages où il y avait des parties de foot entre déportés et gardiens. Bon, ça, c'est des choses qu'on ne dit jamais. Voilà. Et en fait, et ce Taub, c'est ce juif qui s'appelait Adolf Taub, qui a témoigné à propos d'Auschwitz, a dit que à des moments, il y avait des gens qui étaient plus malades et qui ne pouvaient pas être soignés à Monowitz. Et donc, ils étaient envoyés à Birkenau. Si ces gens n'avaient pas été retrouvés, on aurait dit, ah bah oui, ils ont été envoyés pour être gazés parce qu'ils étaient plus productifs, etc. Pas du tout. Il a dit, bah non, moi, après, quand ça a été à mon tour d'être transféré à Auschwitz 1, je les ai rencontrés, ils étaient là, ils étaient revenus en bonne santé. Donc, ils n'avaient pas été tués que tous ces gens-là. Voilà. Et alors, les frères Born, Bornstein, Joseph... Et son frère, donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque Auschwitz va être évacué? Ils vont être évacués. Ils vont aller, comme tous les autres, la majorité à Buchenwald. Et là, à Buchenwald, ils vont être, ce sera le 11 avril 45, libérés par les Américains, tout à fait normalement. Donc, voilà, Born, si on fait son histoire, eh bien, voilà un juif qui aurait dû se tenir tranquille, qui ne se tient pas tranquille, qui est arrêté, en fait, en tant que résistant avec sa famille, parce qu'il était dans la résistance active, qui, malgré ça, n'est jamais exterminé, qui est envoyé à Auschwitz, qui travaille, qui est à Monowitz, qui était un camp, finalement, qui était un camp très bon, et qui revient à Buchenwald et qui est libéré par les Américains. Et, alors, il va se suicider en 72. Alors, on nous dit, l'ancien résistant et survivant du camp d'Auschwitz, et j'en termine avec ça, n'aura jamais voulu reparler de son passé. Tu parles, je comprends. Son frère Isaac tentait tant bien que mal d'en parler avec lui, mais il refusait catégoriquement. Peut-être que tous ces traumatismes contenus en lui l'ont fait basculer, le faisant se suicider. Mais en fait, c'est pas vrai, on n'a aucune raison de son suicide. Il n'a laissé aucune lettre d'adieu, rien du tout. On ne le sait pas. Donc, Elisabeth avait 11 ans à l'époque. On n'en sait pas plus. Donc, il a été déporté en 45, enfin, déporté en 43, il est revenu en 45, là, il a refait sa vie, il s'est marié avec une pharmacienne de Livaro, d'ailleurs, que je connais bien, il a eu une famille et tout. Il s'est suicidé en 72, et on nous dit, ah ouais, mais non, c'est parce qu'il n'a jamais pu supporter sa déportation, ça a été horrible. On n'en a aucune preuve. Voilà ce qu'il faudrait dire. Lorsque un Enthoven vient nous parler, nous dire que c'est horrible de traiter Bornstein et de rescapés, il faut écouter son histoire n'est pas en faveur de la thèse officielle. Voilà ce que j'avais à dire sur cette affaire. Merci Vincent, c'est très intéressant d'être très factuel. Je vous rappelle que Enthoven, il m'avait attaqué dans un de ses éditos, personnellement. Hein. Qu'est-ce qu'il racontait encore celui-là? Oh, il disait que dire que les chambres à gaz n'avaient pas existé, c'était comme dire, je crois, que il y avait une cafetière en orbite autour de Saturne. Enfin, je ne sais plus trop quoi. Et il disait de toute façon que c'était invérifiable, etc. Et moi, je lui avais répondu. Qu'est-ce qui est invérifiable? Je comprends pas. Le fait que si on disait qu'il y avait une cafetière en orbite autour de Saturne, quelque chose comme ça. Bah, je sais pas. Ils disent que la charge de la preuve incombe à celui qui fait une affirmation. S'ils disent qu'il y a eu un gazage, c'est à eux de le prouver. Excusez-moi. Bien sûr. Et justement, et si je lui avais répondu en vidéo en disant voilà, c'est très bien, vous m'attaquez. Ben moi c'est à vous, c'est la charge de la preuve est à vous, donc j'accepte de faire un débat avec vous sur cette question. Et naturellement, Monsieur Enthoven a fait un petit message tweet ou je sais pas trop quoi dans lequel il s'est déballonné en disant qu'il refusait de débattre avec moi comme moi, je refusais de débattre avec eux. Alors, c'était faux, puisque c'était moi qui demandais le débat. Oui, non, bah oui, tu peux t'asseoir dessus. Mais comment dire... Non, mais c'est très révélateur, parce qu'ils savent très bien, tous ces bonimenteurs, ils savent très bien qu'il n'y a rien à trouver. Il n'y a rien à trouver. Et ils le savent. Ils le savent. C'est ça. Mais alors, ils entretiennent la confusion, et grâce à leur appareil médiatique. Mais bon, voilà, ça, on le sait. C'est ça. En faisant des petits scandales. Oui, voilà. Mais enfin, sur l'affaire là, c'est quand même très révélateur. Voilà. Donc ces gens-là sont paranoïaques, quoi. Ils sont paranoïaques, hystériques. Et ça montre en fait ce que ça trahit, c'est que ces gens-là sont pas du tout sûrs d'eux. Et qui se sentent profondément étrangers en France aussi. C'est ça que ça révèle. C'est-à-dire qu'ils sont constamment sur leur garde. Ils se disent que le goy, quand il dit ceci, il se lance dans des extrapolations en disant voilà, il est rescapé, vous avez vu, on les voit venir. Ils vivent dans la paranoïa totale, et donc c'est une citadelle assiégée, parce qu'ils se sentent étrangers. Ils sont foncièrement étrangers à la France. Ce sont des étrangers. Les Juifs sont des étrangers. Vous pouvez les laisser 200 ans en France, 400 ans en France, ils sont étrangers, ils restent étrangers. À l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur psyché profonde, ils restent étrangers. Ils ont peur des autres, ils ont peur de l'autochtone. Ils disent, l'autochtone, vous avez là, il va s'emparer quelque chose de la foule, ils vont nous sauter dessus. Comme ils ont sauté dessus au Moyen-Âge, ils vont nous sauter dessus. Voilà, c'est sûr, c'est certain. Et on peut le savoir, regardez les mots qu'ils utilisent. Etc. Et ça, c'est le délire collectif, quoi. Voilà. Et ce qui est marrant, enfin, c'est tragicomique, mais c'est très drôle, c'est qu'en fait, ces mecs-là, en réagissant comme ils font, ils se vendent. Parce que tout d'un coup, les autres, ils disent, mais c'est quoi l'histoire des Juifs, là, j'ai pas compris, là. La panneau, elle parle de rescapé politique, et c'est quoi l'histoire de Schwitz, j'ai pas compris. Et là, ils disent, ah bah ouais, mais c'est des Juifs, les autres. Ah bon, c'est des Juifs, mais c'est quoi l'histoire, Et là, les gens remarquent que c'est des Juifs. Vous voyez, ça, c'est le. C'est rigolo, quoi. C'est eux-mêmes alimentent le truc. Enfin, c'est bon, voilà. Bon, enfin, bref. Enfin, c'était marrant. C'était la polémique du jour. Enfin, oui, la polémique du jour. Mais bon, on en aura certainement une la semaine prochaine. Et encore une autre la semaine d'après, etc., etc. Jusqu'à probablement l'expulsion complète des Juifs de France. Indubitablement. En tout cas, merci, Vincent, pour ces précisions très, très utiles qui valaient quand même la peine. Alors, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Oh, yeah. Nous voici pour la deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 23. Alors messieurs, je vous propose d'écouter une Française qui veut vous dire quelque chose, à vous, à nous tous collectivement, à tous ses contemporains. On l'écoute, c'est la rubrique féminisme. Pour moi, avoir des enfants, actuellement, c'est sacrifier une partie de qui je suis. C'est sacrifier une partie de moi. C'est me sacrifier pour une grosse partie de ma vie. Au profit de mes enfants, sacrifier mon travail, une partie. Ah oui, je sais, tout le monde continue à travailler quand t'as des enfants. Et oui, effectivement, il y a énormément de femmes qui continuent à travailler après avoir eu des enfants et qui jonglent entre leur vie de famille et leur vie de travail. Et pour ça, franchement, je vous applaudis des deux mains, chapeau, parce que clairement, moi, je pense pas en être capable. J'aime mon travail plus que tout. J'aime ma vie actuelle. J'aime mon couple comme il est. J'aime voyager. J'aime faire ma vie. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Oui, mais tu sais, avoir des enfants, ça ne t'empêche pas de faire ci, ça ne t'empêche pas de faire ça. » À ces personnes-là, je dirais « Je suis pas sûre. » Il y a des gens qui voyagent avec les enfants en bas âge. Très bien. Il y a des gens qui arrivent à voilà, faire plusieurs vies tranquille en ayant des enfants en bas âge. Très bien. Très bien. Beaucoup de respect pour ces gens-là. Mais on va pas me dire... Vraiment, s'il vous plaît, que quand t'as des enfants, t'es aussi libre que quand t'en as pas. Et ça, je suis désolée de le dire, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors oui, tu peux être très libre, oui, tu peux faire la fête, oui, tu peux continuer à avoir une vie sociale, oui, tu peux quand même voyager avec tes enfants, oui, mais avoir des enfants, c'est sacrifier une partie de ta liberté. Et oui, quand tes enfants iront à l'école, quand tes enfants vont commencer à grandir, quand tes enfants accaparent ton attention H24, ben c'est normal parce que ce sont des humains en train de se construire, donc ils ont forcément besoin de ton aide et de ton attention. C'est totalement ok, c'est normal, mais c'est pas fait pour moi. Alors messieurs, vous avez entendu cette jeune femme qui témoigne à visage découvert, hein, face caméra, et elle dit entre autres choses, elle dit beaucoup de choses, mais elle dit « Voilà, pour moi, avoir des enfants, c'est sacrifier une partie de qui je suis. » Alors la question qu'on a envie de se poser, c'est qui est-elle, hein, qui est-elle, hein, et quelle partie est-elle sacrifiée si jamais elle avait des enfants? Je vais donner la parole. Qui c'est qui voudrait commencer sur ce passage ô combien révélateur? Assez franc, au moins, hein, on peut lui reconnaître ça, au moins, hein, c'est que voilà, elle ne se dissimule pas, hein, elle revendique ce à quoi elle aspire. Qui voudrait commencer? Jean, peut-être? Oui, alors. Ça peut paraître paradoxal, mais moi j'ai vu cette vidéo comme une sorte d'appel à l'aide. C'est-à-dire que ce qui choque, c'est vraiment la vacuité de ses arguments. Elle veut s'éclater, elle veut voyager, mais ça n'a aucun lendemain, ça n'a aucune conséquence à long terme. Et en fait, en biologie, ce qui est intéressant chez les mammifères, c'est que les femelles ont un besoin de reproduction, et notamment c'est visible chez les chiennes, qui si elles n'arrivent pas à avoir une descendance viable, se mettent progressivement à changer de comportement et à adopter des enfants d'autres espèces, donc que ce soit des poussins, voire des objets, des pelotes de laine, et elles deviennent très très agressives. Si quelqu'un essaye de leur retirer ou si on s'en approche. Et en gros, c'est le stade final du féminisme. Elle est instable, encore moins avancée. Je pense qu'elle est au stade d'être avec une sorte de cocu. C'est-à-dire qu'elle veut pas d'enfant avec le gars avec qui elle est. Donc elle rationalise face caméra. Elle explique à tout le monde et à un potentiel mâle plus dominateur. Plus excitant, qu'elle considéra comme ayant de meilleurs gènes, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin qu'un homme vienne dans sa vie, la prenne plus ou moins de force, arrête cette routine débile dans laquelle elle est, et qu'il lui fasse des enfants, en fait. Parce que pour moi, les femmes, c'est ce que j'explique à propos des chiennes, c'est qu'en fait, les femmes sont biologiquement orientées vers la reproduction. C'est pas possible qu'elles refusent complètement d'avoir des enfants, ou alors, sauf exception très rare, Mais je pense que c'est une femme assez lambda. Et quand elle trouve pas de parti avec lequel se reproduire, elle rationalise comme ça. Ce qui fait que, bon, bah, son explication, enfin, ça convainc personne. C'est vraiment ridicule. Ah bah ça, c'est une bonne Moi, amorce en tout cas. Ouais. la première fois que j'avais entendu cette vidéo, je pensais que la chute, ça allait être. Oui, ça sacrifie une partie de ma liberté, possibilité de faire des voyages, ce genre de trucs, mais qu'elle allait conclure en disant, mais quel épanouissement d'avoir un enfant. Sauf que non, la chute, ça a été, bah oui, mais les enfants, bah c'est pas pour moi. Donc ça a été surprenant. Et ben moi, je lui souhaite que quand elle grandisse, elle change pas d'avis, parce que bon, l'humain évolue et il est tout à fait possible que quand elle se rapproche d'un âge d'infertilité, ben elle regarde derrière et qu'elle se dise, bon ben j'étais fertile Elle va changer auparavant. d'avis. Oui, elle finira très probablement rapidement par changer d'avis. Ouais. Rapidement non, mais trop tard, oui, c'est certain. Comment dirais-je, Vincent, éventuellement? Ben, moi, cette femme-là, je lui dirais, oui, vous avez raison, on ne vous demande pas de sacrifier une partie de votre être, mais la société ordonnée vous demande de sacrifier au contraire tout votre être. Pour la maternité, puisque vous êtes normalement, sauf rare exception que moi j'accepte, hein, vous êtes tourné vers cela. Et surtout, moi, il y a une autre chose que je dirais. Moi, je rentrerais dans son jeu. C'est-à-dire, je lui dirais, ah, vous ne voulez pas vous sacrifier, mais madame, vous n'êtes pas heureuse d'être en démocratie, parce que je pense qu'elle est très très heureuse d'être en démocratie, hein. Je lui dirais, mais alors dans votre discours et dans votre vision du monde, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sacrifiés, qui se sont battus, qui sont morts sur les plages de Normandie, pour nous ramener, pour nous libérer. Alors vous auriez dit quoi, ces Américains ou ces Canadiens, ces Néo-Zélandais? Non, non, restez chez vous, vous sacrifiez pas votre vie, c'est pas la peine, vous êtes tranquille, vous pouvez l'être, laissez-nous. Et puis je lui dirais, mais madame, quand vous prenez, mademoiselle, quand vous prenez l'avion, vous êtes contente, mais il y a des gens qui se sont sacrifiés au début pour que l'aviation puisse se développer. Je pense par exemple aux frères Newport. Les deux sont morts en 1911 et 1913, hein, mais c'est grâce à eux qu'aujourd'hui vous pouvez prendre l'avion et que vous êtes sûrement bien contente de voyager en avion. Vous leur auriez dit quoi? Mais non, restez chez vous, sacrifiez pas votre vie, on va se déplacer en carriole tout le temps, c'est pas grave. Et puis je continuerai aussi avec un dernier exemple. Je dirais, quand vous allez faire une radio, vous êtes contente de pouvoir faire une radiologie, mais allez au musée de la médecine, vous verrez le nombre de radiologues qui au début sont morts parce qu'on ne connaissait pas tous les effets secondaires des rayons. Vous leur auriez dit quoi? Mais non, ne te sacrifie pas, c'est pas grave, on n'aura jamais de radio. Donc voyez-vous, tout ça. Voilà comment moi j'apprendrais, sans mauvais jeu de mots, hein, cette femme. Je lui dirais, voilà, je rentrerai dans son jeu. Je dirais, mais alors, si personne ne se sacrifie, et ben voilà, on en sera là. Ben, vous ne voulez pas vous sacrifier, eh bien, vous ne donnerez rien. C'est assez dommage. Voilà. Voilà ce que je dirais. Et puis je lui rappellerai qu'Hitler, lui, avait bien compris. Hein, il disait bien, il avait bien dit, c'était dans Mein Kampf, hein, sitôt que l'égoïsme établit sa domination sur un peuple, les liens de l'ordre se relâchent et en poursuivant leur propre bonheur, les hommes sont précipités du ciel dans l'enfer. La postérité oublie les hommes qui n'ont cherché que leurs propres intérêts et vante les héros qui ont renoncé à leur bonheur particulier. Voilà. Moi, c'est quand j'ai lu vraiment ça que je suis devenu national-socialiste et je le regrette pas du tout. Cette femme qui serait pas du tout capable d'entendre ça, ben, je lui dirais quand même, je lui dirais un jour, vous le regretterez. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette femme. Enfin, Moi, c'est le discours que je ferai. ce qui est intéressant, c'est que nous avons affaire à une femme qui est jeune. Hein, difficile d'évaluer son âge, peut-être 23, 23 ans, 24 ans. Et donc, elle dit, voilà, je vais sacrifier une partie de qui je suis. Et elle nous explique, elle se définit, quel est ce je suis. Ben, je m'amuse. Je m'éclate. Je passe du bon temps. Je réfléchis pas. J'avorte toutes les Non, semaines. non, non, non, non, non. Donc, je réfléchis pas au lendemain, etc. Voilà. Donc, ouais, je me projette pas dans le futur. la partie de, dont elle parle, c'est je ne me projette pas dans le futur, je refuse de me charger de responsabilité, de penser à long terme, là, je veux des gratifications immédiates. Et si j'ai des enfants, je ne pourrai plus avoir ces gratifications immédiates. Je ne pourrai plus aller en voyage, je ne pourrai plus avec la même facilité, etc., parce que ce n'est pas facile, etc. Voilà. Donc, je ne veux pas des responsabilités qui m'obligent à long terme. Je veux pouvoir avoir des gratifications immédiates, libres d'accès. Voilà, c'est très simple, un coup de carte de crédit, et voilà. Extraordinaire, d'accord, très bien. Ça, c'est sa philosophie aujourd'hui. Alors, le problème, c'est d'abord, c'est que ça coûte de l'argent. Donc, elle dit, j'adore mon travail, etc. Alors, bon, il y a des études qui sont assez constantes là-dessus aux États-Unis, c'est que passer 30 ans, une femme, c'est une perte nette pour la société. D'accord ? C'est que ça n'a pas de valeur ajoutée, ça coûte du fric. Passer 30 ans, les femmes coûtent du fric à la société. Donc, évidemment, quand elle va vieillir, elle va découvrir, en fait, qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Parce qu'en fait, ce qu'elle est capable d'apporter à la société, c'est proche de rien. D'accord ? Et donc, les fins de mois, c'est un peu compliqué, quoi. Et là, tout d'un coup, et ça converge un petit peu avec l'approche de la fin de la fertilité facile, eh bien, c'est que, ce serait pas mal d'avoir un mec financièrement un peu plus à l'aise, parce que si je veux pouvoir continuer à voyager, en fait, c'est ça l'idée, d'ailleurs, hein. Voilà, là, j'ai 25 ans, j'ai du pognon, j'ai envie de voyager, j'ai envie de m'éclater, voilà, je veux pas réfléchir, parce que c'est chiant, c'est compliqué, ça peut... Ah, passé 32, 33 ans... Ah tiens, ça devient conflictueux, j'arrive pas à gagner autant que je voudrais, etc. Ah, ce serait bien d'avoir un mec pour continuer à m'éclater. Ah, mais pour être vraiment sûr de mon plan, ça serait pas mal d'avoir un gosse. Parce que le mec, il peut pas me faire faux bon. Il peut pas me faire faux bon. J'ai un gosse ensemble et tout, il est obligé. Et là, il y a toute la législation féministe. Hein, les pensions, l'obligation de faire les versements, etc. Donc c'est ça le truc, c'est que avoir un enfant, c'est une assurance vie aujourd'hui pour les femmes qui refusent d'avoir des enfants. D'accord ? Vous faites des gosses, vous allez devant un tribunal composé généralement de femmes, et vous avez le droit d'avoir du pognon en permanence. Donc ça vous donne une stabilité, une visibilité sociale, parce que c'est ce qu'elle n'explique pas. À 25 ans, tu peux ne pas avoir de vision à long terme. Quand t'as 35 ans et que t'es une femme, t'es obligé d'avoir une vision à long terme. T'as pas le choix. T'es obligé d'avoir une vision à long terme si tu veux pouvoir manger. Donc c'est là que tu rentres dans des calculs. J'ai besoin de me poser. C'est là que toutes les gonzesses arrivent. J'ai besoin de me poser. J'ai besoin de trouver un mec. Ouais, donc je me suis fait sauter dans tous les sens pendant 15 ans ou 20 ans, de 15 à 35. Et tout d'un coup, je me découvre une vocation de femme au foyer. Ouais, enfin partiellement, hein, on s'entend. Hein. Et là, il faut que je trouve un mec. Vous voyez, mais un mec bien. Ouais, alors généralement, le mec bien en question, tu vois, c'est le gars qui paye. C'est le gars qui a une bonne situation. Voilà. Et c'est, donc, en gros, ce qu'elle nous explique, c'est que maintenant, elle a envie de s'éclater, et vous verrez que dans 10 ans, elle aura envie de se poser. Elle dit, j'ai envie de me poser. Voilà. Alors, le problème, c'est que tout le système est conçu autour de gonzesses comme ça, où le long terme n'existe pas. Donc, la production des futures générations, la reproduction, hein, n'existe pas. Or, comment voulez-vous bâtir une société, un pays, une nation, sans que au cœur de toute réflexion se retrouve le maintien physique de cette nation, qui est la reproduction. Je veux dire, qui peut l'imaginer seulement ? De quoi parle-t-on ? D'ailleurs, nation, c'est natio, hein, naissance. Oui, c'est, naissance, c'est la filiation, c'est exactement le sens littéral. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une ère démocratique, système avec cette société de consommation, l'individualisme forcené, où il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de long terme, il n'y a pas de nous. Le nous est contraignant, le nous s'impose à l'individu, c'est intolérable. Je dois pouvoir faire ce que je veux. Hein ? Les obligations à long terme, c'est impossible aussi, parce que s'il y a des responsabilités collectives à long terme avec des contraintes à long terme, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, la société a le droit d'imposer des normes sociales aux individus pour qu'ils ne se comportent pas de telle ou telle... Non, c'est aliénant, c'est inacceptable. D'accord ? Très bien. Donc, il n'y a plus d'objectifs à long terme et il n'y a plus de primat du collectif, de la communauté sur l'individu. Ok, très bien, formidable. Et dans cette société féminisée, ce qui est déjà présent à l'état latent chez les femmes, prend complètement l'ascendant. C'est-à-dire que les femmes, leur instinct, effectivement, c'est de libérer totalement leur hypergamie, comme vous le savez. Hein. Donc l'hypergamie, c'est, comment dirais-je, de pouvoir sélectionner le meilleur parti. Ah ben attention, sélectionne le meilleur parti. Elles commettent des erreurs, les femmes. Donc les femmes commettent très souvent des erreurs de choix de partenaire avec lequel se reproduire. Voyez, mais il y a un détournement même de l'hypergamie. C'est-à-dire que les femmes comprennent, parce que si vous libérez l'hypergamie, les femmes comprennent très vite qu'elles peuvent utiliser la sexualité pour progresser socialement. En gros, toucher de l'argent et le claquer en conneries. En gros, c'est ça. Donc, elles détournent la sexualité pour en faire un objet de ponction d'argent sur des hommes en besoin de sexualité. Et ça donne 25% d'avortement dans les sociétés. Voilà. Bah oui, voilà. Parce qu'elles commettent des mauvais choix. Elles sont bourrées, elles couchent avec un type. Merde, elle est enceinte le lendemain. Ah zut, comment faire, etc. Bah oui, parce que du coup, ah merde, j'ai un gosse. Ah bah, je suis pris pour les 20 prochaines années. Et, ah bah non, c'est pas possible, il faut que j'avorte. Voilà, vous comprenez, c'est ça. Donc, la libération totale de l'hypergamie, c'est l'accoucherie facile, c'est l'avortement. Et c'est l'aggravation de tous les penchants qui sont présents chez la femme. Mais pas uniquement chez la femme, parce qu'il y a aussi le rôle des hommes. Parce que les hommes permettent ça. Sans l'autorisation des hommes, la libération de l'hypergamie est impossible. Et c'est ce que nous explique cette nana. Moi, je veux vivre totalement mon hypergamie, voilà, je veux pouvoir coucher avec un mec. Elle dit, je suis très heureux en couple comme ça. Oui, sous-entendu, je veux pas... Effectivement, c'est ce qu'a dit Jean. Je veux pas de gamin avec ce mec-là, parce que je veux que mes options soient ouvertes. Peut-être que demain... je vais peut-être tomber, je sais pas, moi, sur une star d'Hollywood qui va voir un épouser. Alors, je vais pas non plus totalement tout fermer. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'elle nous dit. Elle nous dit avec une grande candeur ce qui est latent chez toutes les femmes, à savoir, je ne veux pas me fermer d'options en me verrouillant dans un couple avec un mec à vie. Je ne veux pas. Je veux pouvoir sortir de cette relation immédiatement. Je veux pouvoir. Si j'ai fait un mauvais choix reproductif, je veux pouvoir l'annuler quand je veux, c'est-à-dire avorter. Mais ça veut dire aussi utiliser évidemment la contraception avant et après, la pilule le lendemain. D'accord ? Et alors, la contraception vraiment tardive, c'est l'avortement. Hein, en gros, c'est ça. Je veux corriger mon truc. Et utiliser la sexualité pour hameçonner un mec. Et comme il y a constamment de nouvelles jeunes femmes qui arrivent parce que le temps de valeur sexuelle d'une femme est très réduite sur le marché amoureux, parce que ça dure, voilà, le pic c'est 23 ans, alors si une femme s'entretient, elle peut pousser un peu plus, mais grosso modo c'est quand même très court, il y a constamment de nouvelles venues, il y a constamment de la concurrence qui arrive. Donc, arrivé à 35 ans, il va falloir se caser. C'est là qu'elle cherche un type, un pigeon, pour aligner pour le long terme. Eh oui, c'est là qu'on arrête de penser à court terme et c'est là qu'elles arrivent et qu'elles veulent se poser. Alors le problème, c'est que tant qu'on aura une société qui est légalement organisée autour des femmes, parce que c'est ça, on est dans une société vaginocentrée aujourd'hui. Une vaginocratie, donc le patriarcat a été démantelé, l'homme n'est plus le pater familias, la femme est censée être légale, c'est pas une question d'égalité, la femme est supérieure à l'homme aujourd'hui. L'homme, il perd tout, parce qu'au fond, quand il fait il n'est plus nécessaire, parce que c'est un pourvoyeur. Donc en fait, la femme peut avoir un gosse avec un mec, il va payer, il n'a pas besoin de voir ses gosses. C'est prévu par la loi, il est plus nécessaire. Voilà, vous avez le droit de visite, comme ça, une fois de temps en temps. Voilà. Donc la femme gagne sur tous les tableaux, pour son âge ultérieur. Vous voyez, tout est conçu comme ça. Alors forcément, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une dénatalité de masse, parce que tout est organisé autour des priorités féminines dans leur vingtaine. D'accord ? Et ensuite, tous les filets de sécurité sont mis en place quand elles rentrent dans leur trentaine, que l'angoisse de la trentaine arrive et qu'elles se disent « qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis sexuellement évincé du marché par les nouvelles venues ?» Et là, c'est tous les dispositifs sociaux qu'on connaît. Tant qu'on continue comme ça, on aura de la dénatalité, on aura des nanas qui font n'importe quoi, on n'aura pas de famille ou des familles éclatées et on aura de l'immigration. Et au final, pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce qu'il faut se poser quand même la question. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi accepter tout ça? Pour que des nanas comme cette gonzesse-là nous disent « Ah oui, mais moi, j'ai quand même envie de voyager. Hein. » Ouais, je trouve que tu donnes beaucoup d'agence à ces jeunes femmes qui, à mon avis, elles comprennent pas ce qui se passe. Elles visualisent pas tout ce que tu dis en termes de conséquences du féminisme. Je suis très très sévère vis-à-vis des types qu'elle appelle mon copain ou je sais pas comment elle l'appelle dans la vidéo, mais le gars il est avec une fille, donc à mon avis elle prend la pilule, donc elle dit clairement dans son comportement et dans son langage que ben t'es un loser parce que tu couches avec moi, mais t'inquiète pas, on n'aura pas de gosse parce que crois pas que tu vas mélanger tes gènes avec les miens, c'est pas possible. Donc déjà d'un point de vue dignité pour un homme, je trouve que c'est tombé très bas d'être dans une situation comme ça, de passer des années avec une fille qui, bon, je sais pas combien de temps ils sont ensemble, mais j'imagine qu'elle se voit, comme elle dit, rester un certain temps avec ce type et ensuite pouvoir batifoler. Donc le gars a quand même pas beaucoup de dignité, et j'imagine que c'est probablement un homme qui a plus de la trentaine, qui a une certaine réussite et qui se tape une fille plus jeune. Et donc qui s'accommode très bien parce qu'il a pas non plus les responsabilités de pourvoir à une femme avec enfant. Donc à mon avis, ces femmes-là, est-ce qu'elle dit, faut pas l'écouter. Elle dit quelque chose, mais elle en pense rien. Et un argument pour soutenir ça, c'est que quand elle parle d'enfant dans la vidéo, elle fait un petit sourire. C'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte attendrie du fait qu'un enfant grandisse, qu'il ait besoin d'attention, qu'il ait besoin d'aide. Donc elle a une certaine fibre maternelle qu'il faudrait réveiller, qu'un homme qui passe sa vie avec elle devrait réveiller, plutôt que simplement de voyager avec elle et puis on verra plus tard, faisons-nous plaisir. Donc c'est, à mon avis, il faut pas donner trop d'agence aux femmes, c'est-à-dire qu'elles comprennent pas, elles ont pas de vision sociétale. Elles comprennent pas, mais elles fixent la ligne. Le problème aussi, c'est qu'encore une fois, on en revient aux mêmes choses, c'est qu'en fait, on est une société de consommateurs, une société de gens qui ne veulent pas grandir. On est dans une société de gens qui, à 25 ans, faut quand même s'imaginer qu'à une certaine époque, vous mourrez à 45 ans, donc 25 ans, vous étiez un vieux, en fait. Vous étiez un adulte, largement un adulte. Et on a une société où, aujourd'hui, à 25 ans, avoir 25 ans, c'est une prolongation de l'adolescence. C'est-à-dire que les gens n'ont pas envie de prendre de responsabilités. Et là, pour le coup, c'est les hommes comme les femmes. C'est pour ça qu'on... Oui, ce sont les adolescents. Voilà. Il y a un terme maintenant social qui les désigne. Exactement, et c'est ça le cœur du problème, c'est qu'en fait, ni les femmes, ni les hommes, surtout pas les femmes, parce que, encore une fois, je suis le premier à dire que les femmes occidentales ne réfléchissent pas, et que, justement, je suis d'accord avec Jean, je pense qu'il ne faut pas accorder trop d'importance à ce que peuvent penser ces femmes, puisqu'en fait, tout ce qu'elles pensent, en fait, c'est inconscient, en fait, elles n'ont pas conscience de tout ça. Jean. Même il y a des siècles, les femmes, il y avait certaines qui refusaient la maternité puisqu'elles avaient peur de mourir en couche, puisque c'est un risque très important, donc elles refusaient tout contact avec des hommes et ainsi de suite. Donc les femmes, dans l'ensemble, c'est pas elles qui doivent décider, c'est que elles, quand elles ont un rapport avec un homme, ce qui se passe normalement, naturellement, au bout de 1 à 2 ans de couple, c'est que au maximum, elles tombent enceintes. Et là, je pense qu'elle est particulièrement confuse parce que ça fait des années qu'elle couche avec des hommes et ça se voit dans ses yeux, elle comprend pas ce qui se passe, c'est qu'elle tombe pas enceinte. Et dans leur inconscient, les femmes n'envisagent pas ça parce que des rapports prolongés devraient donner de la maternité. Sauf que à cause de la pilule contraceptive, on a complètement détruit ce mécanisme et ça devrait aussi, les hommes devraient aussi prendre en responsabilité une fois que la femme est enceinte. Bon, bah voilà, on a eu un rapport, maintenant elle est enceinte, bon, bah allons-y. C'est puisqu'on s'est aimé un moment, on peut peut-être s'aimer plus longtemps. Et il y avait un mariage, et puis dans les sociétés traditionnelles, c'est ce qui se passait. Mais si on attend que les femmes désirent des enfants, il faut attendre qu'elles aient plus de 30 ans, parce qu'elles ont vraiment un manque d'enfants aux alentours de la trentaine. C'est à ce moment-là qu'elles ont les processus psychologiques qui commencent à s'enclencher. Mais une femme ne doit pas attendre la trentaine pour avoir des enfants. C'est dans la vingtaine qu'il faut vraiment être plus sérieux avec ça. Et donc, c'est aux hommes d'assurer et de proposer un projet, disent-ils. Bon, je sais que c'est pas facile, hein. Je tiens à modérer mon propos. Dans cette société féministe, on se retrouve avec un divorce, une séparation des enfants, une sangsue qui vous vole votre substance, enfin une sangsue. En tout cas, elle vous pompe votre argent pour les gosses. Je sais bien, tout a été reconfiguré pour que pour être au désavantage des hommes. Mais ça reste un des meilleurs paris à faire que d'essayer de trouver une femme et d'avoir des enfants avec. Donc, bon, c'est toutes ces histoires de féminisme, c'est qu'en fait, il y a deux jouisseurs dans l'affaire. C'est qu'il y a celle qui prend la pilule et il y a celui qui couche avec et qui est bien content qu'elle prenne la pilule parce qu'il n'aura pas besoin de prendre ses responsabilités. Tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'était Gandalf, mais j'en suis pas sûr, de dire que le féminisme aujourd'hui, c'était plus du tout du féminisme. Et c'est pas faux. Ça c'est Sobieski, ça. Alors Sobieski, eh ben c'est pas faux, parce que moi, qui m'intéresse toujours aux archives, j'ai lu des revues féministes des années 1900 à 1910. Eh bien, il y a des articles aujourd'hui. Les féministes d'aujourd'hui seraient outrées, et je me rappelle notamment d'un article, c'était donc un organe féministe, qui disait que pour vraiment que les petites filles, justement, et ça rejoint un peu ce que disait Sobieski, deviennent des femmes, il faut les habituer dès leur plus jeune âge à câliner, dorloter, et elle disait qu'il faudrait dès l'école primaire faire une cérémonie de remise de poupées avec berceau et que chaque année complétée, etc. Il y avait tout un apparat autour de cela pour que les petites filles soient tout de suite prises en main dans leur rôle de mère. Ah, et ben je m'étais dit, si on soumettait ça à une féministe aujourd'hui, elle dirait quel est le salaud, pardonnez-moi ma vulgarité, de macho qui a écrit ça. Eh bien, c'était les féministes du début du siècle. Et des femmes, pas des hommes. Donc, en effet, il y a vraiment eu tout aujourd'hui ce mélange. Mais moi, j'aurais tendance à être aussi d'accord avec Sobieski, c'est-à-dire qu'on a un déterminisme biologique, mais l'homme ayant le libre arbitre, il doit être actualisé et la société doit justement ordonner vers cela. Voilà ce que j'avais rajouté. On va aller vers le Japon. Et ce qui s'est passé cette semaine, qui a été effectivement spectaculaire, c'est moins qu'on puisse dire, avec l'assassinat de l'ex-premier ministre Shinzo Abe. Et on pourrait dire en premier lieu, pourquoi est-ce si important après tout? Oui, certes, c'est un homme politique de premier plan au Japon, mais enfin c'est très éloigné. Est-ce que ça devrait occuper la place que ça occupe? Pourquoi finalement tout ce brouhaha, pourquoi toute cette réaction au plus haut niveau, en tout cas dans le monde occidental, mais même de la part de Vladimir Poutine et du président chinois, des Indiens, etc. Pourquoi toute cette réaction? Bon, déjà, il faut savoir qu'en dépit du fait qu'il était un ancien Premier ministre, il restait le chef de la principale faction du parti au pouvoir au Parlement japonais. Alors ça, il faut déjà savoir ça quand on est français, c'est pas forcément évident à comprendre. Mais le système japonais est un système parlementaire, n'est pas un système présidentiel. Donc la majorité au Parlement japonais détermine la conduite des affaires. Il faut une majorité au Parlement pour pouvoir être Premier ministre. Donc la position de Premier ministre est une position extraordinairement précaire au Japon, un petit peu comme sous la 4e République en France, parce qu'il faut avoir une majorité au Parlement pour pouvoir être Premier ministre. Or, s'il avait quitté ses responsabilités en 2020, il restait à la tête de la principale faction. Donc, Shinzo Abe restait, en gros, celui qui pouvait mettre son veto sur toute une série de décisions, qui pouvait placer ses hommes, etc. Donc, d'où en fait, son poids politique et la raison pour laquelle il était encore en campagne. Ce qui peut échapper à certains. Donc il a été assassiné lors d'une campagne électorale, il prenait la parole lors d'un meeting en plein air, comme ça se fait souvent, en faveur d'un candidat, et il a été assassiné à cette occasion. Pourquoi faisait-il campagne alors que c'est un ancien Premier ministre? Pour cette raison, c'est-à-dire que c'est le chef de la principale faction du Parlement japonais, donc c'est lui qui dit, voilà, soutenez ce candidat et pas celui-là, c'est lui qui peut choisir ceux qu'il a envie d'introniser. Donc c'était ce qui explique son extraordinaire influence, en dépit du fait qu'il ne soit plus Premier ministre. Voilà, ça c'est déjà une première chose qu'il faut avoir à l'esprit. Alors, bon, vous avez vu les concerts de réaction, pas s'attarder sur toutes, mais bon, il y avait une espèce de communion de vues en disant, finalement, il a défendu la démocratie, etc. C'est, bon, je passe là-dessus. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir les louanges dont il a bénéficié dans la presse française, alors que cette presse française visiblement atteinte d'amnésie, avait oublié tous les titres terribles dont elle avait abreuvé Shinzo Abe durant son occupation du poste de Premier ministre durant toute la décennie 2010-2020. Donc cette presse, visiblement, ne se lit pas. À commencer par exemple, le Nouvel Observateur, qui avait écrit un article terrible contre Shinzo Abe, c'est la face cachée de Shinzo Abe. Voyez, alors avec, vous savez, le visage du Premier ministre et des ombres autour, voilà, on dit qu'il y a quelque chose là qui est sinistre et qui est en mouvement. Un autre portrait, toujours issu de la presse française, de Shinzo Abe. Alors attention, là, ça c'est des trucs récents, avant qu'il soit assassiné. Hein. Alors, vous allez voir, c'est pas tendre. Premier point, il a repris la circonscription familiale. Alors ça c'est, parmi toute une liste de points, il y a ceci qui revient. Hein. Je cite, chez les Abbé, la politique c'est une affaire familiale. Le clan est solidement implanté parmi les grandes dynasties qui règnent sans partage sur la diète, le parlement japonais. Véritable enfant du sérail, c'est pratiquement sur les genoux de son grand-père maternel, le premier ministre Nobusuke Kishi, qu'il découvre le métier de politicien. En 1982, son père, Shintaro Abe, alors ministre des Affaires étrangères, se charge de son initiation au rouage ministériel en le prenant comme secrétaire particulier. Il l'accompagnera dans près de 20 déplacements internationaux. En 1993, Shinzo Abe se fait élire député dans le fief familial, le département de Yamaguchi. Il est le troisième Abe à occuper ce poste. En 1942, son grand-père, Kan Abe, avait réussi à remporter le siège contre le candidat investi par le gouvernement militariste. En 1958, Shintaro Abe reprenait le flambeau, avec le soutien de son beau-père. Il se fera réélire de manière quasi ininterrompue jusqu'à sa mort en 1991. L'actuel Premier ministre, donc ça c'était au moment où Shinzo Abe était encore ministre, donc c'était en 2020, l'actuel Premier ministre parvient lui aussi à se maintenir malgré les aléas de la vie politique. Lors des dernières élections législatives en 2014, les électeurs l'ont reconduit avec plus de 76% des suffrages dans sa circonscription. Fort de cet héritage, Shinzo Abe est le troisième membre du clan à se hisser à la tête de l'État, du gouvernement plus exactement. Il devient en 2006 le plus jeune chef du gouvernement de l'archipel, le premier né après 1945. Il lui en faudra pourtant plus s'il veut éclipser l'empreinte de ses aïeux dans l'histoire du Japon d'après-guerre. En effet, son grand-père, Nobusuke Kishi, est l'artisan du renforcement de l'alliance nippo-américaine en 1960, et son grand-oncle, Eisaku Sato, signataire de l'accord de rétrocession d'Okinawa en 1972, a reçu le prix Nobel de la paix en 1974 pour son rôle dans la ratification du traité de non-prolifération des armes nucléaires par l'archipel. Alors c'est là que ça se corse, toujours dans la veine que vous connaissez. Sans avoir autant de sang sur les mains qu'un militaire, Nobusuke Kishi, donc le grand-père de Shinzo Abe, n'en est pas moins responsable d'un certain nombre d'exactions, nous dit l'article. Haut fonctionnaire, depuis 1920, il se retrouve en 1936 vice-ministre de l'industrie du Manchukuo. Il organise alors le pillage économique de cet état fantoche par l'armée nippone. Rentré au Japon en 1941, il intègre le gouvernement du général Tojo. En charge de l'instauration de l'économie de guerre et de l'approvisionnement de munitions, il co-signe, entre autres, le décret de déportation de près de 85 000 travailleurs coréens sur l'archipel afin de participer à l'effort de guerre. Inculpé par le tribunal de Tokyo comme criminel de guerre de classe A, il sera relâché sans procès en 1948. En ce début de guerre froide, Washington souhaite maintenir une classe politique conservatrice aux affaires afin de contrer l'influence des leaders communistes dans l'archipel. Perçu comme le plus favorable à l'ancrage du Japon dans le camp occidental, le spectaculaire retour en politique de Kishi sera soutenu en sous-main par l'administration Eisenhower. Premier ministre en 1957, il utilise en 1960 sa majorité au Parlement pour forcer la ratification du renouvellement du traité de sécurité nippo-américain aux grandes dames de l'opposition de gauche. Les mouvements de protestation massifs forcent l'annulation de la visite du président américain et poussent Kishi à la démission. Malgré son éviction du pouvoir, il gardera longtemps une grande influence sur le Parti libéral-démocrate en tant que conseiller suprême, rôle que jouait aujourd'hui Shinzo Abe au sein du même parti. Shinzo Abe considère son grand-père maternel comme son modèle en politique. Je cite Shinzo Abe, « un homme d'État sincère qui ne pensait qu'au futur de son pays ». Aussi, l'actuel Premier ministre, donc à l'époque, hein, on est en 2020, partage avec son aïeul les mêmes priorités, comme la nécessité de modifier la constitution japonaise ou de lutter contre le recul du sentiment patriotique. Il retient des manifestations antimilitaristes de 1960 que ce qui est bon pour le pays n'obtient pas nécessairement le soutien de la majorité, comme il l'explique au journaliste de The Economist en 2014. Dans cette interview, il ne manque pas de saluer la fermeté de Kishi, donc son grand-père, face aux difficultés. Mon grand-père a fini ce qu'il a commencé. Cette manière de mener les réformes politiques sans prendre en compte l'opinion publique se retrouve dans le projet de révision constitutionnelle de Shinzo Abe. Je souhaite réaliser son rêve de faire recouvrir au Japon sa véritable indépendance, a-t-il déclaré en 2012 lors d'une visite sur la tombe donc, de son grand-père. Alors voilà pour la ligne. Mais on en vient ensuite au mouvement révisionniste qui passionne la presse française, toujours. Lobby particulièrement influent du monde politique japonais. La conférence du Japon, ou Nippon Kaigi, est intimement liée à la carrière politique de Shinzo Abe. Fondée en 1997, cette organisation est née de la fusion entre la Conférence populaire pour la défense du Japon, un groupe d'anciens combattants, et la Société pour la défense du Japon, une organisation religieuse conservatrice. Avec pour objectif, je cite, de créer un pays fier de lui-même. L'organisation ne fait pas mystère de ses opinions ultranationalistes. Son site internet donne un aperçu de ses activités dans une rhétorique digne des grandes heures du Japon impérial. Prière pour le bonheur du souverain, donc l'empereur, commémoration des soldats morts au combat, festival pour la symbiose de l'Asie. Disposant d'un réseau de près de 241 permanences dans tout le Japon, la Nippon Kaigi revendique 38 000 adhérents en 2014. Afin de renforcer son emprise sur la vie publique, elle s'est dotée d'associations sœurs. L'Amicale des parlementaires, rassemblant 290 députés et conseillers à la diète, la Fédération des conseillers régionaux, son équivalent destiné aux élus locaux, qui comprend près de 1800 personnes, la Conférence des femmes japonaises, la Conférence des acteurs économiques. Membre de l'organisation, comme une grande partie de son gouvernement, Shinzo Abe n'a jamais caché ses opinions révisionnistes. Dès son accession à la diète, en 1993, il occupe des postes à responsabilité dans diverses commissions parlementaires ou partisanes, contestant les conclusions du tribunal de Tokyo, avant de devenir, en 1997, directeur exécutif du groupe de réflexion des jeunes membres de la diète pour le futur du Japon et l'enseignement de l'histoire. Dès lors, la révision des manuels scolaires, ainsi que la négation ou la diminution de l'ampleur des crimes de l'armée nippone deviendront ses chevaux de bataille. Secrétaire général du cabinet, il fera pression sur la chaîne publique NHK, donc l'équivalent de France 2, pour censurer un documentaire sur les femmes dites de réconfort. Donc c'est une histoire à dormir debout, je ne sais pas si c'est sûr. Devant être diffusé le 30 janvier 2001. Il est également très critique des timides excuses formulées dans les années 90 par les gouvernements précédents à l'endroit des Coréennes prostituées de force, alors pas de force en réalité, pendant la guerre, qu'il juge sans fondement historique. S'il tempère ses propos durant son premier mandat, entre 2006 et 2007, il ne manquera jamais d'apporter son soutien au dérapage des membres de son parti les plus extrémistes, ni de tout faire pour juguler les initiatives favorisant le devoir de mémoire dans l'archipel. Un devoir de mémoire nationaliste. Alors, partageant sa vision de ce que doivent être le Japon et l'enseignement de son histoire, la Nippon Kaigi voit Shinzo Abe comme son héros dans le monde politique. Ce dernier utilise l'association comme une caisse de résonance. Le 3 mai 2017, il profite d'un message vidéo diffusé lors d'un rassemblement de l'organisation pour annoncer publiquement son intention de réformer la Constitution avant 2020. Pour mener à bien cette vision politique, le réseau nationaliste est en ordre de bataille et les initiatives pour sensibiliser la population se multiplient. Afin de rassembler et de coordonner ses partisans, une assemblée populaire pour rédiger une constitution pour un superbe Japon est fondée en 2014. Reprenant le titre du livre-programme d'Abe, « Vers un superbe pays », le soutien au gouvernement est transparent. Indépendante sur le papier, elle est en fait co-dirigée par le président de la Nippon Kaigi. La conférence du Japon, donc en français donc pour Nippon Kaigi, constitue donc la véritable base militante de l'administration Abe, lui servant de courroie de transmission entre le cercle rapproché du Premier ministre et ses partisans sur le terrain. Intimement lié, et j'approche de la fin, intimement lié à la période d'avant-guerre, le sanctuaire Yasukuni a été fondé en 1879 en l'honneur des troupes tombées pour l'empereur durant la guerre civile qui suivit la restauration de 1868. Son patronage s'est peu à peu étendu à tous les soldats morts lors des guerres menées par le Japon impérial jusqu'en 1945. Les noms de près de 2 400 000 personnes seraient aujourd'hui inscrites sur son livre des âmes. Au lieu de la propagande militariste nippone durant la Seconde Guerre mondiale, il se libère de sa tutelle politique après 1945. Géré par une fondation privée, les pouvoirs publics n'ont donc plus aucune influence sur les orientations politiques du sanctuaire, ni sur la vision édulcorée de l'histoire présentée par le musée militaire qui lui est attaché. En 1978, le supérieur Nagayoshi Matsutaira prend la décision d'y honorer les âmes de 14 dits criminels de guerre de classe A condamnés par le tribunal de Tokyo. L'affaire fait grand bruit et l'empereur Showa, donc Hirohito comme on le connaît, lui-même fustige publiquement le choix. Privé de visite impériale depuis 1975, le temple n'est plus un lieu officiel de mémoire, mais il conserve toujours un lien privilégié avec les milieux conservateurs. Alors, je poursuis. C'est bon, on approche de la fin. Voilà, je ne vais pas parler de la remilitarisation. Donc, voilà, si Abe s'est abstenu de faire une visite, hein, donc durant son premier mandat, il avouera par la suite qu'il s'agit là de son plus grand regret. Il s'empressera d'ailleurs de pallier ce manquement un an après son retour au pouvoir en décembre 2013. S'il ne s'est plus présenté en personne au sanctuaire depuis, il n'a pas pour autant coupé les ponts avec ce haut lieu du nationalisme. Entre 2015 et 2017, il n'a jamais manqué d'y faire porter un masaki, un arbre votif dans le rituel shinto, pour prouver sa dévotion. Ses entorses à l'orthodoxie conservatrice sont également excusées par l'envoi d'un proche au temple. Ainsi, sa propre femme, Akie Abe, s'y est rendue en décembre 2015 à la suite de l'accord nippo-coréen sur les femmes de réconfort. Alors oui, ça c'était pas des détails. En janvier 2017, c'est la sulfureuse ministre de la Défense Tomomi Inada qui franchit le portail du sanctuaire tokyoïte au lendemain de la visite du Premier ministre à Pearl Harbor, pourtant effectuée avec la détermination d'édifier une paix tournée vers l'avenir pour le Japon et le reste du monde. Si l'on en croit l'intéressé, elle n'a pas manqué de déclencher la controverse, tout spécialement en Chine, évidemment. Alors, j'en termine dernier par de cet exposé un peu long, mais il fallait comprendre. Lors d'une interview accordée au magazine American Foreign Affairs au début de son mandat, Shinzo Abe déclare ne rien faire de plus que ce que font les autres leaders pour honorer ceux qui ont sacrifié leur vie pour leur pays. Selon ses dires, une visite au Yasukuni ne doit pas être vue comme une justification des crimes de guerre japonais, de même qu'une visite au cimetière militaire américain d'Arlington, où reposent des soldats confédérés, ne doit pas être vue comme une justification de l'esclavage. Pour Abe, la polémique n'est pas tant due à ses agissements qu'à leur réutilisation par ses adversaires politiques. Lors de sa visite en Allemagne en 2014, il appelle dans les colonnes du Frankfurter Allgemeine Zeitung à ne plus créer des controverses historiques à but politique. Il précise par la suite sa pensée lors d'un entretien avec l'ex-président allemand Richard von Weizsäcker. « Je comprends bien que les Chinois ont souffert à cause des Japonais, mais la Chine ne devrait pas exploiter les problèmes du passé à des fins politiques. » Voilà. Alors, c'était un exposé long. Mais au moins, on sait de quoi on parle. Et donc, c'est cet homme-là qui a été abattu par une personne dont les motivations sont obscures, qui, d'après lui, serait liée à la promotion qu'aurait fait Shinzo Abe d'un groupe religieux qui émanerait de Corée. On ne va pas rentrer là-dedans, ça serait un petit peu trop fastidieux. Ce qui m'intéresse plutôt dans ce dernier chapitre de notre émission, c'est de voir que le Japon a pris une direction radicalement différente de l'Allemagne, pour ne pas citer la France, que ça n'a pas du tout été un handicap, mais au contraire une forte puissance de mobilisation politique, et que non seulement ça a été un atout politique, mais que ça s'est traduit en politique régalienne. Donc, révisionniste dans les deux sens, révisionniste au plan historique qui amène un révisionnisme au plan géopolitique. Hein. Et ça, bah, c'est la démonstration, de mon point de vue, que d'abord le révisionnisme est pertinent, premièrement, et ensuite que ça marche, ça fonctionne, pour peu qu'on veuille essayer. Voilà, et que c'est justifié, c'est légitime. Alors là, j'ai fait mon exposé, enfin, c'est pas mon exposé, j'ai cité la presse de gauche, hein, vous avez vu, c'est très critique, hein, à n'en pas douter. Donc je vais pas y ajouter mon analyse, mais je vais plutôt me tourner là, plutôt vers Vincent, c'est quand même ton domaine. Alors quand tu entends ça, donc un homme de ce poids-là, hein, qui a occupé sa fonction pendant presque une décennie au Japon, qui a mené de manière très dynamique une politique révisionniste au sens plein et entier du terme, dans les manuels scolaires, en politique de défense, en politique internationale, et même quand il faut faire quelques concessions en allant à Pearl Harbor, immédiatement dans la foulée, la femme du Premier ministre retourne sur les hauts lieux du nationalisme pour dire « Comprenez bien qu'il y a certaines choses que nous faisons à l'extérieur, mais à l'intérieur, nous sommes fidèles à ce que nous faisons et à notre programme. » Quand tu entends ça, qu'est-ce que ça t'évoque, Vincent ? Eh bien, moi, ça m'évoque justement ça m'évoque ce qu'on dit par rapport à l'affaire de Jean-Marie Le Pen en 1987, l'affaire du détail. Je l'ai dit dans une des récentes émissions sur DP, j'ai dit c'est Jean-Marie Le Pen avait rendez-vous avec le destin. C'était là qu'il fallait cracher le morceau et qu'il fallait faire quelque chose. Alors, il y a eu des commentaires très critiques, notamment sur les forums de LB, et notamment quelqu'un qui a dit si Jean-Marie Le Pen avait dit ça, le parti aurait été interdit et ça aurait été fini. Bon, alors moi ma réponse à cela, c'est 30 ans après, il n'y a plus de Front National, il n'y a plus qu'un Rassemblement National, et je ne sais pas si c'est tellement différent. Alors que si le parti avait été interdit en 1987 suite à l'affaire du détail, il serait forcément fait des remous. D'abord, je ne pense pas qu'il aurait été interdit, hein. Mais ça aurait fait des remous et le sujet aurait été obligé d'être débattu à un moment ou à un autre. Jean-Marie Le Pen, en 87, était quand même quelqu'un qui pesait déjà beaucoup sur la politique. Et je pense que s'il avait craché le morceau en 1987, certes, il y aurait eu des défections au sein du Front National, mais ça aurait été une perte, ça aurait été reculé pour beaucoup mieux sauter, justement. Parce que il aurait pu dire, par exemple, « Bon, écoutez, vous êtes scandalisé par mon propos, j'accepte de me retirer du monde politique pour avoir osé dire cela, mais avant, j'accepte à une condition, c'est qu'il y ait un débat sur le sujet. Moi, je vais emmener mon historien, en l'occurrence le professeur Florisson. Vous emmenez vos historiens. Si nous perdons le débat, si nous sommes ridiculisés, je me retirerai de la vie politique. » Et là, ils auraient été dans une mauvaise posture. Alors, ils auraient pu en sortir, naturellement. Mais ça aurait eu l'avantage de poser nettement la question et peut-être, justement, de créer des mouvements qui auraient été impossibles après à canaliser pour l'État. Alors, certes, la France n'est pas le Japon. Et le Japon n'est pas la France, hein. Ce n'est pas la même chose, puisque là, le Japon est directement impliqué, puisque c'est lui le propre accusé. On peut dire que par rapport aux chambres à gaz, la France n'est pas directement accusée, mais justement, il n'empêche que Vichy est directement accusé. Ça veut dire que c'est une partie de la France, et on voit bien justement sur la querelle entre la France était-elle à Vichy ou pas, etc. Donc il y a quand même une part de la France qui est accusée, parce qu'il y a sa police, il y a sa SNCF, comme les Juifs en font toujours davantage, finalement la France est en position d'accusée. Donc, l'exemple qui se passe au Japon, je ne dis pas qu'on peut le transposer directement sur la France. Il faut prendre certaines précautions, mais ça montre que quand on défend la vérité, on en retire toujours quelque chose. Et même si sur le moment ça paraît contre-productif, sur le long terme, c'est nécessairement productif. Et on le voit, tous ces gens qui ont dit « Non, il ne faut pas faire de débat révisionniste avec le Front National, c'est un parti politique, on va se mettre des bâtons dans les roues. » Mais regardez où vous en êtes 30 ans après. Qu'est-ce qui reste du Front National ? Maintenant, le Front National, c'est Marine Le Pen. Alors, s'il vous plaît, je ne dis pas que si en 1987, Jean-Marie Le Pen avait craché le morceau, tout se serait résolu, le Front National serait arrivé au pouvoir sur un lit de rose, mais non. Mais ça aurait forcément été meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense que l'histoire du Japon le démontre aisément. Alors, tout comme en Europe, ils ont que lorsqu'ils font une politique révisionniste, ils savent ce qu'ils font, parce qu'ils savent qu'ils sont dans leur droit. Alors, je ne vais pas aborder le problème des femmes de réconfort, parce que ce sera en effet un peu complexe et ça ne sert à rien, on n'a pas le temps, puis ce ne serait pas ça. Mais, par exemple, le procès de Tokyo. Il faut savoir que le procès de Tokyo, le procès, donc c'est le Nuremberg, ce qu'on a appelé du Pacifique. On a traduit en justice des grands criminels de guerre. Alors, ça m'amuse. Rien que déjà la dénomination. Le procès des grands criminels de guerre. Ça signifie que les gens sont déjà déclarés coupables. Et c'était ça, hein. Parce qu'on pourrait dire, mais non, c'est rétrospectivement qu'on dit ça. Pas du tout. Dès 1945, par exemple, quand on annonçait Nuremberg, on disait que c'était le procès des grands criminels. Et on annonçait déjà qu'ils étaient accusés, parce qu'ils l'avaient fait, de 10 millions de crimes. Donc, c'était des procès où les gens étaient déjà condamnés. Et le procès de Tokyo, ça a été, en termes de témoignage, ça a été un procès de Nuremberg à la puissance 10. Il y a eu les témoins les plus délirants, c'était des Américains en général, qui sont passés. Des témoins qui, par exemple, un témoin qui prétendait avoir survécu à 7 coups de baïonnette et à une tentative d'être brûlé vif. Il avait versé de l'essence, et, bon, mais il a survécu. Il y en a un autre qui, le plus sérieusement du monde, prétendait qu'il avait survécu à 38 coups de baïonnette. Il y en avait un qui dit « ils ont tenté de me décapiter, donc ils m'ont frappé avec un sabre au niveau du cou, mais j'ai réussi à m'enfuir et d'ailleurs j'en ai profité pour emporter un blessé sur mon dos. » Et un mec à moitié décapité qui s'enfuit avec un blessé sur son dos. Il y a un mec qui dit « moi j'ai été décapité, alors pareil ils l'ont raté, hein, ils n'étaient pas malaisés, j'avais. Et ensuite j'ai été jeté dans un ravin, mais j'ai survécu. » Un autre qui dit qu'on lui a donné des coups de baïonnette, qu'on lui a tiré des balles dans le corps, qu'on l'a jeté dans un ravin de 200 mètres et qu'il a survécu. Et alors, vous avez des témoignages complètement fous, j'en cite un dernier. Le gars prétendait avoir échappé à une tentative de crémation en rampant à travers une double clôture de barbelés avec une balle dans la jambe. Après quoi, il fait un saut d'une falaise de 15 mètres dans l'eau. Il nage, il y a trois Japonais qui le rattrapent, il les tue dans un combat au corps à corps. Il nage jusqu'à une baie, il erre dans la jungle, avec toujours sa balle dans la jambe, hein, pendant 5 jours sans nourriture ni eau, et ensuite il arrive enfin à rejoindre les forces de la guérilla. Le procès de Tokyo, c'est un Nuremberg à la puissance 10. C'est extraordinaire le nombre de sottises qui ont été dites. Donc les Japonais, quand ils veulent réhabiliter leurs criminels de guerre, entre guillemets, les 14 notamment, ils savent qu'ils jouent sur du velours. D'ailleurs, je rappelle que il y avait un juge au tribunal de Tokyo, Rahabididon Pale, c'était un juge indien, qui a écrit un jugement dissident, parce que ça on peut le faire, hein, en justice, anglo-saxonne, un juge a le droit de se désolidariser et d'écrire un jugement dissident, soit partiel, soit total. Eh bien, le juge Rahabididon Pale a écrit un jugement dissident de 700 pages qui réduit à néant le jugement de Tokyo. Extraordinaire ce jugement. Il a été cité incomplètement par Maurice Bardèche. Voilà. Donc, il y a en effet, quand on est dans le camp de la vérité, on peut se permettre à un moment d'aller à ce qui paraît être à l'encontre de l'opinion publique, c'est-à-dire de ce que la presse dit. Et c'est pour ça que je dis qu'en France, on aurait pu. Et on pourrait toujours, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, ça montre, parce qu'on voit à quel point ils ont peur. Des gens qui refusent le débat, comme Raphaël Enthoven, face à moi, par exemple, ce sont des gens qui ont peur. Et comme tu l'as dit, ils savent au fond d'eux-mêmes. Ils savent que le dossier ne tient pas debout. Alors, face à eux, il faut justement du courage. Il faut un certain courage. Il faut accepter justement le sacrifice de soi-même. Et d'aller au front, d'aller directement, mais sans passer par la bande, pas en disant « Non, mais vous savez, il y a eu des crimes, mais vous avez fait pareil. » Non. Il faut dire « Vous avez menti. » Et il ne faut pas hésiter à aller au charbon. Ce japonais l'a fait. Enfin, il n'est pas le seul d'ailleurs, puisqu'il y a des, j'ai eu des exemples de manga où le gars dit, mais moi je ne veux pas m'excuser, je ne veux pas qu'on s'excuse en mon nom. Un élève de classe qui dit ça. Je trouve que c'était très beau. On a la preuve, encore une fois, même si la comparaison ne peut pas être faite à 100%, on a la preuve que quand on rentre à coup de bélier dans la forteresse du mensonge, elle craque toujours. Elle craque à un moment ou à un autre, même si ça prend du temps. Voilà ce que j'avais, ce que cette affaire du Japon, que je suis aussi question au révisionnisme, me fait venir à l'esprit, si vous voulez. Ne jamais accepter le mensonge. Parce que chez nos adversaires, quand ils parlent de réconciliation, il n'y a rien de plus hypocrite entre leurs lèvres que le mot réconciliation. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est la réconciliation ? Normalement, c'est quand on a eu un différend, chacun se met autour de la table, écoute l'autre, reconnaît ses propres torts, admet ce que l'autre dit de vrai, et enfin on devient de vrais amis. On s'est réconcilié. Or, chez nos adversaires, la réconciliation, c'est pas ça. Et regardez ce qui se passe à Oradour. Non, non. Quand ils parlent de réconciliation, ça veut dire que le vaincu doit venir à genoux, cracher sur ses propres parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents, dire « Nous sommes coupables, nous sommes éternellement coupables, nous avons été les pires criminels de l'histoire. » Et dans ce cas-là, l'autre en face accepte de dire « Bon, d'accord, donc nous sommes réconciliés. » En fait, c'est une démarche du prince. C'est le prince qui veut que vous veniez la corde au cou, que vous vous jetiez les cendres sur la tête, que vous dites « Allez-y, voilà mon fouet, le fouet, flagellez-moi, je suis criminel ou descendant de criminel, et ensuite j'aurai peut-être votre pardon. » Mais ça, c'est pas la réconciliation, ça. La vraie réconciliation, c'est complètement autre chose. Et c'était ce que j'avais écrit au président de l'association d'Oradour, je vous passe le nom exact, en disant « Mais c'est pas une réconciliation que vous voulez avec les Allemands. Moi, je veux la vraie réconciliation. La vraie réconciliation n'est que sur base de la vérité. Donc arrêtez de toujours parler de réconciliation. Vous n'avez que ça à la bouche, pour être poli. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. La réconciliation passe par le chemin de la vérité. Et les Japonais, c'est ça. C'est ça. On veut bien aller à Pearl Harbor. Mais en même temps, j'envoie mon épouse au sanctuaire pour dire non, attendez. Pearl Harbor, moi je veux la vérité. Pourquoi est-ce qu'on vous a attaqué? Hein? Parce que nous, ça faisait depuis juillet 41 que l'on discutait avec vous, parce que vous faisiez tout, vous nous bloquiez, il y avait le blocus du Japon, vous nous asphyxiez. Donc nous, on n'a pas eu le choix pour desserrer le blocus que d'attaquer Pearl Harbor et après d'aller envahir le plus vite possible la Malaisie pour avoir des territoires qui nous permettraient de nous désasphyxier en quelque sorte. Bon, je rentre pas dans toute cette affaire, hein, j'en termine là. Mais c'est pour dire que, oui, le révisionnisme est un combat, d'abord, super important, et on le voit, puisque dès qu'il y a le révisionnisme qui pointe au bout de son nez, il s'affole, et c'est un combat qui vaut la peine d'être mené parce qu'il peut être gagné. Voilà ce que j'avais à dire à propos de cette affaire. Oui, tu as tout à fait raison. Ce qui est nié, hein, parce que en fait, comment dire, le statu quo historique, enfin, en gros, le révisionnisme, c'est quoi? C'est remettre en cause le statu quo historique. Mais le statu quo historique, c'est le résultat d'un rapport ou d'une confrontation politique dans le passé. Mais cette confrontation a des résultats dans le présent. Donc chacun comprend bien, et c'est aussi le but de la démarche révisionniste, que pour changer le statu quo dans le présent, il faut aussi, pour le justifier, se reporter au passé pour le réviser. Donc il faut si on veut réviser le présent, il faut réviser le passé. Ce que, de fait, beaucoup de gens, même quand ils en sont informés, refusent. Et Shinzo Abe, c'est sa grande qualité en tant que chef du gouvernement japonais, pour des raisons familiales qui ont été exposées dans la presse française. Enfin, là, j'ai cité un article qui était à charge, hein, Mais c'est mieux de prendre la presse à charge, c'est plus parlant en fait. Parce que son grand-père avait été accusé d'être un criminel de guerre. Or, on dit qu'est-ce qu'il a fait ? Il a importé des travailleurs coréens. Bon, bah ça va, ils se portent bien, ils ont le titre de résidence, ils ne sont jamais repartis dans leur pays alors qu'ils pouvaient le faire. Donc, vous voyez comme quoi. Mais ça, c'est l'effort de guerre. Bon, et il a été accusé de ça, il a été accusé d'être un criminel, a été mis au banc de la société. Mais il y a une différence intéressante avec l'Allemagne. Alors, il faut clairement le dire. C'est-à-dire que le Japon a démontré que sa voie était la voie correcte et que la voie de l'Allemagne était la voie, la pire voie à emprunter. C'est-à-dire la voie de la culpabilisation, la voie de la soumission. Donc, ça ne veut pas dire qu'au Japon, après 45, il n'y a pas eu des gens qui ont cherché à reprendre les accusations contre le Japon impérial, au sein de la société japonaise, je veux dire. Bien sûr, mais ils avaient des arrière-pensées. C'était le Parti communiste, le Parti socialiste. Ces gens-là avaient tout intérêt, puisqu'ils étaient interdits par les autorités impériales, avant la fin de la guerre, avaient tout intérêt à disqualifier le Japon impérial. C'est-à-dire que, pour justifier leur évincement, reprendre à son compte les accusations des alliés et des soviétiques, quand on était communiste, c'était une bonne façon de dire « Bah, vous voyez, ces gens-là, c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Si vous votez pour nous, la politique sera différente. » C'était une façon de disqualifier. Mais les socialistes et les communistes n'ont jamais été suffisamment puissants pour prendre l'ascendant, contrairement à l'Allemagne, où le Parti social-démocrate, donc le SPD, Parti socialiste, a lui pris véritablement les commandes du pays, indépendamment du fait qu'on a pu croire que la démocratie chrétienne tenait un petit peu les rênes. Alors, la situation est assez extraordinaire au Japon, puisque qu'est-ce qui s'est passé en 1945 ? Qu'est-ce qu'ont réussi à obtenir les Japonais ? Parce que le contexte est différent, tu l'as dit, ça c'est très important à souligner. Ben, ils ont déjà obtenu que l'empereur reste l'empereur. Uniquement comme chef d'État, plus du tout en mesure de définir la politique du Japon, mais quand même. Et ensuite, alors pour donner un exemple, c'est comme si Eisenhower, arrivant en Europe, disait à Adolf Hitler, écoutez, monsieur Hitler, bon, nous avons gagné la guerre, vous restez chef de l'État, vous restez Führer. Par contre, vous n'êtes plus chancelier. Ça, ce n'est plus possible. Donc il va y avoir un gouvernement, une administration d'occupation temporaire, puis ensuite nous verrons comment les choses évolueront. Ça commence comme ça au Japon. Hein ? Et ensuite, en 1953, donc ça se passe de manière concomitante au Japon et en Allemagne, on reconnaît la reformation d'un gouvernement national. Donc, qui d'ailleurs a opéré en continuité depuis, en Allemagne et au Japon. Et ce qui se passe au Japon, et ce qui ne se passe pas en Allemagne, c'est qu'au Japon, tous les dirigeants du Japon impérial s'investissent dans le nouveau parti formé qui est le Parti libéral-démocrate. Donc tous ces gens, tout de suite, dès que le gouvernement japonais est reformé, tous les cadres du Japon impérial investissent à nouveau tout de suite les ministères. Ils ne les ont jamais vraiment quittés, parce qu'il y a toujours eu les administrations ont toujours continué à fonctionner pour le compte des États-Unis qui occupaient militairement le pays, mais il a fallu les maintenir. Il fallait bien une administration des postes, une administration de l'énergie, des transports, il faut bien que ça tourne. Et donc, c'est comme si on s'était retrouvé en Allemagne avec tous les cadres du Parti National Socialiste à la tête d'un parti qu'on aurait appelé le Parti Libéral Démocrate. Ah mais du coup, c'est plus du tout la même chose. Parce que vous pouvez maintenir des institutions qui ont été créées sous le Troisième Reich, vous pouvez protéger des familles, vous pouvez maintenir une influence, etc., etc. Alors, au Japon, c'est pas pour dire que, voilà, il s'est rien passé, les Américains ils sont arrivés, voilà, il y a eu une occupation militaire pendant quelques années, et ensuite, tout a repris comme avant. Non, pas du tout. Il y a eu un effort des Américains de destruction de l'âme nationale japonaise. Il y a eu cette tentative. Ils ont essayé. Ils ont essayé en changeant la constitution. Il y a une juive qui a contribué à la constitution de Japon qui a mis les éléments du féminisme. Pas une surprise. Il y a eu la réécriture des manuels. Il y a eu la mise au ban de toute une série de personnes socialement. comment dirais-je, beaucoup de soldats, qui avaient, notamment les kamikazes, qui avaient éventuellement survécu, des as de l'aviation japonaise, ont été mis au banc de la société. Tous les héros du Japon, en fait, ont été mis au banc de la société pendant presque une dizaine d'années. Mais il y a eu une forte résistance interne. Les Japonais ont su formidablement s'adapter aux circonstances. Et alors, ils se sont dit, bon, on n'y est pas arrivé politiquement, on va y arriver dans le nouvel ordre des choses, et d'abord économiquement. Alors là, ils se sont dit, voilà, parce que les Américains avaient une stratégie de anticommuniste, ils se sont dit, écoutez, c'est très intéressant tout ça, ils nous apportent des capitaux, on va tout réorganiser. Les Américains, ils sentaient que la pression venant des communistes s'accentuait formidablement, partout, notamment en Corée. Alors, les Américains n'ont pas été trop regardants. Donc les nationalistes japonais ont pu se réorganiser sous une direction américaine qui avait d'autres fers au feu et qui était moins idéologique aussi, puisque finalement le Japon impérial avait moins d'éléments culturels saillants que les Américains ne pouvaient pas tolérer. En fait, d'une certaine manière, le Japon était resté assez mystérieux pour les Américains. Donc ils n'ont pas cherché à aller jusqu'au bout, au bout, au bout. Contrairement à l'Allemagne. Mais il y a aussi un autre facteur, et j'en termine, c'est évidemment, il y avait un contexte culturel. Et pour moi, je crois que la grande différence, c'est que l'Allemagne était chrétienne. Et que cette Allemagne chrétienne, avec son histoire de péché originel, etc., en fait, elle demandait à se faire culpabiliser. Et ils en sont encore. 80 ans après, c'est pas terminé. Ils rampent. Et pour vous en donner la manifestation, parce qu'avec Vincent parle souvent du devoir de mémoire. Alors, il y a un devoir de mémoire au Japon. Mais c'est pour vous montrer justement à quel point les Japonais ont été très forts. C'est qu'ils ont... c'est leur sport, un de leurs sports, c'est le karaté, vous savez. Un des principes du karaté, c'est vous retourner la force, l'énergie de votre adversaire contre lui-même. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors... ils ont utilisé... Alors, au Japon, on parle jamais de la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement, dans la sphère publique, au niveau des institutions. Le seul moment où les médias et les institutions parlent de la Deuxième Guerre mondiale, c'est lors d'une seule journée, c'est le jour du largage de la bombe atomique sur Hiroshima. C'est le seul moment où, tout d'un coup, on parle de commémoration relative à la Deuxième Guerre mondiale. Tout le reste n'existe pas. Donc, les Japonais ont un devoir de mémoire. Ils ont... C'est ce qu'on a dit. Le devoir de mémoire, c'est se rappeler des morts qui valent quelque chose par rapport aux morts qui n'ont pas d'importance. Les Japonais se rappellent des morts, de leurs morts, et les ont bien choisis. Alors, pour vous faire une comparaison, voici ce... Alors, sachez que l'empereur, on l'appelle Hirohito, donc Showa, est décédé en 1989, donc il a régné bien après la guerre. Alors, imaginez si Adolf Hitler avait été chef de l'État jusqu'en 1989. Si le parti au pouvoir, sans discontinuité ou pratiquement, avait été la totalité des cadres du NSDAP, sous un nouveau nom, et que le seul élément de commémoration qui existait en Allemagne, publique, était les commémorations du bombardement de Dresde, pour pleurer les victimes allemandes. D'après vous, est-ce que l'Allemagne aurait le même visage qu'aujourd'hui? La réponse est évidente. Donc, parce que les Japonais ont refusé intérieurement de capituler, en dépit de la défaite militaire, parce qu'ils ont refusé psychologiquement de capituler, qu'ils n'ont rien cédé, qu'ils ont révisé systématiquement, ils ont pu préserver leur peuple de la haine de soi qui existe en Allemagne et qui mène à l'autodestruction. Et résultat, alors Abe a voulu en faire une grande politique. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, maintenant... on va enterrer la constitution écrite par les vainqueurs. Alors, il n'a pas pu le faire exactement, mais il a quand même pu beaucoup la cornaquer. Je vais renforcer considérablement la position régalienne du Japon, donc une armée, une diplomatie, et on va enterrer 1945. Et il a fait le maximum dans cette direction. Comparons ça avec le bilan allemand aujourd'hui. Regardez l'état de l'Allemagne. Regardez l'état de l'Allemagne. Ce pays est démilitarisé. Alors, ils sont là en train de s'affoler avec la Russie, etc. Mais la remilitarisation, ça ne se décrète pas en 3 jours. Alors, les Japonais n'ont jamais fait... Parce que vous savez, quand il y a eu la chute du mur, les Allemands, ils ont dit, on n'a plus d'armée, on oublie tout. Alors que du temps de l'Allemagne de l'Ouest, ils avaient une puissante armée. Ils avaient beaucoup de, d'ailleurs de cadres de la Wehrmacht avaient bâti cette armée. Là, ils ont rien. Ils ont rien. Ils ont. Alors l'autre, leur chancelier dit Scholz, il dit on va réarmer, etc. Mais réarmer, mais il faut les cadres, il faut les hommes. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'hommes. Ils sont où vos hommes? Ils sont où vos officiers? Ils sont où ceux qui vont aller au front? Ça se trouve pas comme ça. Vous allez le faire avec votre société complètement qui se déteste, qui n'a aucune fierté nationale, qui a appris à haïr le patriotisme, le nationalisme, à détester l'armée, à organiser l'invasion de sa propre patrie. Vous allez défendre quoi contre qui? Ça va pas marcher. Et vous pouvez voter tous les crédits de guerre que vous voulez. Personne voudra mourir pour votre pays parce que vous leur avez appris à détester votre pays. Au Japon, ça sera pas pareil. Vous voyez, et ça, on a la démonstration que le révisionnisme est fondamental, que c'est une politique qui se tient, qui est cohérente, et qui peut obtenir des succès majeurs. Alors, on va regarder à l'épreuve du feu ce que va donner l'Allemagne, aujourd'hui démilitarisée, pacifiée, et haineuse de soi, qui organise son propre génocide. Eh bien, on va voir. Mais bon, la réponse est évidente. Je vous donne la parole si vous voulez répondre pour ce volet-là. Si vous voulez préciser un point. Alors, c'est ce que disait un peu en filigrane Vincent, il dit, bon, bah, la France n'est pas directement concernée par l'Holocauste, etc. Oui, bon, bah, de fait, par Vichy, et c'est ce qu'avait dit Chirac lors de sa commémoration de 95, de toute façon, lui, il l'a dit, de toute façon, la France est responsable de l'Holocauste. Hein. Bon, si avant, c'était pas tout à fait clair, Chirac l'a dit, non, mais de toute façon, c'est la France. C'est pas que Vichy, c'est les Français. Donc, déjà, voilà. Et du coup, ben, l'antifascisme se porte très bien, ok. Le Rassemblement National, bon, bah, ils sont à plat ventre surtout. La France est complètement grand remplacée. Ils vont défendre quoi? Et puis, je vais dire quelque chose à propos justement du Rassemblement National à propos de Vichy. Qu'est-ce qu'elle dit, Marine Le Pen? Elle dit, ah, mais vous savez, la France, elle n'était pas à Vichy. La France, elle était à Londres, et puis de toute façon, quand bien même la police de Vichy, des Français ont commis des crimes contre l'humanité, eh bien nous, on n'en est pas responsable, parce que de toute façon, c'est du passé. Donc en gros, le discours de Marine Le Pen, ça a été de dire, eh bien si les Français ont commis des actes mauvais, de toute façon, comme c'est le passé, ça ne nous concerne pas. D'accord, Madame Le Pen, mais alors, si les Français ont commis des actes héroïques, puisque c'est le passé, ça ne nous concerne pas plus, au nom de quoi, si vous ne reconnaissez pas comme héritage les actes mauvais du passé, au nom de quoi vous pourriez reconnaître les actes bons? C'est la même chose. Oui, oui. Donc, quand après vous parlez de l'histoire nationale, de la fierté du passé, mais c'est complètement hypocrite. Puisque vous dites non, il y a des moments où il n'y a pas d'histoire nationale, il n'y a rien du tout, ça n'a rien à voir, c'est des Français, mais ça n'a rien à voir avec nous. Bon, et ben donc, les Français qui ont fait des actes héroïques, ça n'a rien à voir non plus avec vous. Donc, on le voit à quel point ce discours est complètement mortifère, et c'est se mettre le doigt dans l'œil, c'est tuer son propre pays. Quand on perd sa fierté nationale, on perd son pays, et voilà, tu l'as parfaitement démontré, enfin, parfaitement rappelé avec l'Allemagne. Et encore une fois, bon, vous pouvez penser du révisionnisme ce que vous voulez. Enfin, Vincent Rémoire, qui c'est? C'est un gars qui n'a pas de soutien, je dirais, dans la presse, qui n'a pas de subsides, qui n'a rien, qui est obligé d'aller demander, de tendre la main pour avoir quelques petits euros pour continuer sa série. Et c'est un gars qui est en exil, et du fond de son exil, on traque encore. Ça ne veut pas dire quand même que nos adversaires, ils pensent qu'il y a un certain danger dans le révisionnisme. Voilà. Puis je tiens, encore une fois, je ne vais pas faire des grands discours de dizaines d'heures pour vous démontrer le truc, mais regardez la situation du révisionnisme, des révisionnistes, regardez les lois qu'ils votent, regardez la censure, regardez comment ils les pourchassent, moi étant le premier exemple à l'heure actuelle, il y en aura peut-être d'autres après moi, j'espère d'ailleurs. Voilà. Bien sûr, mais l'élément le plus important avec Shinzo Abe, c'est de montrer que, ce n'est pas synonyme de marginalité. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'automatisme. C'est une question de volonté. Si vous ne voulez pas, parce que généralement par peur, remettre en cause, oui, vous resterez marginal. Mais ce n'est pas lié au révisionnisme en lui-même. Vous pouvez être un révisionniste et remporter d'énormes succès. C'est le cas de Shinzo Abe, c'est ce qui s'est passé avec Shinzo Abe, ce qu'il a démontré, c'est ce qui fait écumer la presse française, vous l'avez remarqué, j'ai cité là des articles très longs, d'ailleurs, c'est peut-être été un peu long, mais c'est bien, parce qu'on rentre quand même dans les détails, et on voit au détour des phrases comment c'est présenté, on voit bien qu'il y a une forme d'agressivité, c'est univoque, et vous, encore une fois, à chaque fois qu'on parle du Japon, vous ne pourrez pas louper les accents de la presse française. Ce sera systématiquement le retour du nationalisme japonais. C'est, franchement, ça fait 40 ans qu'il y a le retour. Voilà, bon, ça n'arrête jamais. Alors par contre, on n'entend jamais le retour du nationalisme chinois. Vous n'entendez jamais parler de ça, ça n'existe pas. Voyez, donc il y a certains pays qui sont frappés de suspicions de retour vers le nationalisme, mais pas d'autres. Vous pouvez regarder vers l'Inde aussi. L'Inde n'est pas très en odeur de sainteté dans la presse française. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué qui? Personne. Ah oui, mais ils sont un peu sceptiques par rapport à l'islam en Inde. Parce qu'ils ont une minorité islamique très agissante et ils ont le Pakistan à leur frontière. Ça leur plaît assez moyennement. Ça, la presse française, hein, de gauche, très islamophile, ça ne leur plaît pas. Donc, quand vous entendez parler de l'Inde, c'est la dérive nationaliste de l'Inde, le virage nationaliste. Et quand ils veulent vraiment y aller, ils disent « Ah oui, mais n'oubliez pas hein, que aux racines du mouvement d'émancipation de l'Inde hein, contre la Grande-Bretagne, il y avait des proximités avec les puissances de l'Axe. Faut pas l'oublier quand même. Hein, » Voilà. Donc, on en vient toujours au même truc. C'est-à-dire que d'abord, ces gens-là, ils ont de la mémoire. Hein. Bon, ils ont de la mémoire, ils savent où ils sont, ils savent pourquoi ils y sont, ils savent pourquoi ils occupent leurs fonctions, et ils savent à quel point leur propagande a besoin de rester efficace. Donc, l'antifascisme, si vous voulez, virtuellement, ça durera 4 siècles, 5 siècles, 10 siècles. Ça ne s'arrêtera pas. Hein. Je ne sais pas si les gens croient que ça va s'arrêter parce que y a plus de témoins existants. Non, vous avez remarqué que plus on s'éloigne de la guerre, plus ça s'intensifie. C'est pas par hasard. Les Japonais l'ont compris. Enfin, je veux dire, la droite japonaise l'a compris. Je parle de la droite, je parle pas de l'extrême. Ils citent l'extrême droite. Oui, bien sûr, l'extrême. Mais pas. C'est pas que l'extrême droite. C'est la droite. La droite japonaise refuse de s'écraser face à ça. Donc, Abe n'a pas été diabolisé, sauf par des marges de gauche. Mais qui n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, et même une bonne partie de la gauche. Alors là, maintenant, en fait, et j'en termine, bah, en fait, l'assassinat d'Abe, aussi tragique qu'il soit, scelle son héritage. Parce que là, maintenant, si vous voulez, Abe, il est rentré dans l'histoire japonaise, si vous voulez. Alors, en plus, il était en plein meeting électoral, micro à la main. Bon, si vous voulez, c'est pas, quand on est un homme politique, en termes de martyr, on peut pas faire mieux, hein, je veux dire. Bon. Donc, donc sa carrière se termine comme ça, sa trajectoire se termine comme ça. C'est un homme qui est intouchable, maintenant, au Japon. Il est intouchable. Sa mémoire est intouchable. Son legs politique est intouchable. C'est sédimenté, c'est scellé, malheureusement, mais dans son sang, mais c'est sédimenté. Vous voyez, il y a des trajectoires humaines comme ça qui sont assez, assez fascinantes. Alors maintenant, j'aime autant vous dire que les gens de gauche, les rares gens de gauche qui veulent encore... Ils vont s'écraser, ils vont se taire d'ailleurs. C'est tellement vrai que le Parti communiste japonais, qui reste un des plus gros partis communistes du monde, il est vieillissant, etc., bien sûr, hein, et puis là, il a gommer l'essentiel des éléments marxistes de son programme. D'ailleurs, c'est devenu pour essentiel un parti social-démocrate. Il a été obligé de dire que c'était un crime odieux, scandaleux, qu'on n'aurait jamais dû faire ça, etc. Alors vous allez me dire, oui, bon, bien sûr, c'est obligé. Oui, mais non, parce que ce parti-là, toute son histoire, c'était de condamner les gens comme Abe. Et ils ont été obligés de capituler. Ils ont dit, bah voilà, non, voilà. Donc, ils ont perdu. Ils ont perdu. Toutes les forces qui ont essayé de détruire le caractère national du Japon ont perdu. Ils ont perdu. Donc, Abe, en mourant, malheureusement, a gagné. Mais c'est ça. C'est qu'il y a des moments quand on est un homme qui a une grande mission, avoir une fin tragique, c'est avoir une fin très très positive. Oui. Très, très positive. Et si Jean-Marie Le Pen, justement, avait subi en 87 ou après les foudres, mais beaucoup plus, il aurait laissé une trace qui aujourd'hui serait comme des graines et non pas un héritage qui a été complètement dilapidé et maintenant, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Hein, voilà. Et on a vraiment l'exemple, les deux figures, bien sûr, dans deux pays différents, j'admets, bien sûr, mais on a deux figures avec deux destins. C'est le destin tragique qui, pour l'avenir, deviendra le destin tout à fait positif. Oui, c'est ça. Pour le coup, vu la proximité du Japon avec l'Occident, je ne suis pas sûr que tout l'enseignement d'Abe finisse aux oubliettes. Je pense que ça leur sera très très utile et ça continuera de leur être très utile, surtout face aux Chinois qui ne se privent pas de les accuser de... d'horreur, etc. Donc, je pense que ça va perdurer. Et de toute façon, il y a le côté militariste d'Abe déjà qui va perdurer. Donc, déjà rien que ça, en fait, c'est une épine dans le pied de toute ce mythe du Japon, de l'Axe, etc., qui ne devait pas être armé. Sauf que le réel, encore une fois, comme on dit à chaque fois, le réel rattrape. C'est-à-dire que les États-Unis, là, en ce moment, qui se veulent les apôtres de la bienséance, de la lutte contre l'antifascisme, les États-Unis sont en train de laisser le Japon se réarmer parce que sinon, ils ne peuvent pas tenir le Pacifique. Donc, encore une fois, le réel rattrape, comme d'habitude. Oui, surtout que, bon... Les Chinois ne se privent pas de révisionnisme. Je veux dire, Mao, excusez-moi, il a son portrait sur la place, sur la cité interdite. Bon, là, ils ne sont pas en train de s'excuser de se mettre sur le cours à la tête de cendre. Le réarmement japonais est très relatif. Il est infinitésimal par rapport au réarmement massif de la Chine. Là, on parle des volumes considérables. Donc, quelle est la puissance qui est ultranationaliste et expansionniste et qui se militarise à toute vitesse, c'est la Chine. Le Japon, finalement, se militarise assez peu. Il essaye simplement avec difficulté d'ailleurs, de passer le traumatisme de 45. C'est pas facile. Et c'est ce que voulait Abe. Mais quand on regarde les volumes d'armement, il n'y a pas de grande rupture. Il y a des petites augmentations d'armement, de commandes d'armement ou d'expansion de la taille de l'armée, mais c'est rien d'énorme. Alors que la Chine en face, c'est des volumes énormes. Donc, ça ne sera pas suffisant en plus. C'est-à-dire, c'est pas la solution miracle. C'est pas, mais c'est au moins, il y a quand même. Abe était en phase avec la réalité. D'ailleurs, ils ont été obligés de le reconnaître, même Vladimir Poutine. Parce que d'abord, en plus, c'est intéressant chez Abe, c'est qu'il voulait une coopération intelligente avec la Russie. Il avait bien compris qu'il fallait dissocier la Russie de la Chine. Il l'avait très bien compris. Et il l'a cherché. Il a été 27 fois en Russie. Abe, c'était vraiment une tête brûlée au Japon. Parce que c'est vrai que la plupart des élites au Japon ont la même façon de penser que les élites occidentaux, c'est-à-dire c'est le « il n'y a pas besoin d'armée, les États-Unis vont nous protéger ». Et c'est là-dessus aussi, encore une fois, c'est là qu'on voit un homme qui est en avance par rapport à son temps, c'est que Abe avait compris justement que non, les États-Unis ne vont pas les protéger éternellement. Probablement pas d'ailleurs, qu'ils ne pourront même pas les protéger dans le temps présent. Donc il faut anticiper l'avenir en fait. Ce que n'arrivent pas à faire nos élites et que l'Allemagne essaie justement, comme tu disais, de réparer, mais c'est trop tard. Je veux dire, c'est sûrement pas avec du pognon qu'on peut remplacer des hommes qualifiés, quoi. Oui, en plus ils ont même pas d'argent parce qu'ils sont ils ont. Enfin, oui, et puis qu'on peut remplacer des années, comme a dit Gandalf, de haine de soi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la haine de soi? Ah oui, 80 ans. Et c'est pour ça que la première étape, c'est de dire aux autres, et je reste poli, crotte, arrêtez. Parce que vous n'êtes pas mieux, vous êtes même pire, vous avez fait autant de crimes que vous nous accusez, mais en plus, vos accusations sont des mensonges. Donc arrêtez maintenant. Et c'est ce qu'il faut avoir le courage de dire, il faut avoir le courage de taper du poing sur la table et de dire, maintenant que vous nous parlez du devoir de mémoire, vous en parlez tout le temps, Mais allons voir, comme disait Ahmadinejad, ouvrons la boîte noire de l'Holocauste. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Maintenant, arrêtez ! L'Occident et les colonialistes, pour dominer le monde, ont créé une idole qu'ils ont appelée le régime sioniste. L'esprit de cette idole est l'Holocauste. Et la nation iranienne, avec courage et clairvoyance, a brisé l'idole, préparant la libération des peuples occidentaux. Et c'est ça qu'il faut voir. On a parlé du Japon avec la fameuse, en filigrane, avec la fameuse unité 731 qui aurait fait des expériences médicales. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu des expériences médicales faites par l'unité 731. On le sait. Alors, ça a été, je pense, exagéré, comme toujours. Mais encore une fois, il faut le replacer dans le contexte. On a le même cas avec l'Allemagne. C'est vrai qu'ils ont fait des expériences médicales, mais on nous présente toujours ça comme des pseudo-expériences faites pour abreuver un sadisme, etc. Mais c'est faux. Par exemple, les fameuses expériences à Dachau avec le docteur Racher, on en voit toujours ces photos avec cette personne dans un caisson à haute pression, se déporter, etc. Mais il y avait une raison. D'abord parce que les avions allaient de plus en plus haut et il fallait faire des expériences, savoir jusqu'où on pouvait aller, comment ça se passait. Et il fallait faire des expériences dans l'urgence parce que c'était la guerre. La défaite arrivait, il fallait faire ses avions très vite, donc il fallait faire les expériences. Deuxièmement, les expériences sur l'eau de mer, ben oui, c'est parce qu'on était en pleine guerre, il y avait des tas d'aviateurs qui tombaient à l'eau et on voulait savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour survivre, notamment en s'abreuvant, puisqu'on ne peut pas rester longtemps sans eau potable. Donc il y a eu des expériences qui ont été faites comme ça. Alors c'est vrai qu'ils ont fait des expériences aussi sur les brûlures au phosphore et tout ça, mais qu'est-ce qui utilisait des bombes au phosphore? C'était les Alliés, c'était eux qui avaient inventé les bombes au phosphore et qui en larguaient partout. Eh ben, il y avait des tas de brûlures, notamment, et des civils. Donc, il fallait voir comment pouvoir soigner ces brûlures. Voilà pourquoi ils ont fait des expériences dans l'urgence, toujours sur des condamnés à mort ou sur des volontaires. Hein. Attention, Himmler avait fait, je l'ai cité dans une vidéo, avait dit il faut choisir soit les condamnés à mort, soit les volontaires. Et à ce moment-là, ils avaient cigarettes en plus, ration en plus, etc. Et puis, on oublie aussi que la résistance polonaise, elle attaquait les Allemands avec des doryphores. Il y avait pratiquement une guerre chimique qui était faite dans les camps. Quand quelqu'un mourait du typhus, il récupérait les poux et des typhiques, et soit il les balançait sur des gardiens, soit il les balançait sur des déportés que l'on estimait être des balances. Et ces gens, après, mouraient du typhus. Donc, ils avaient déjà des notions de guerre chimique. Et lorsque les Allemands ont bombardé Bari, lorsque les Américains sont arrivés à Bari, il y a eu une catastrophe avec du gaz asphyxiant. C'est là que les Allemands se sont aperçus que les Alliés préparaient peut-être une guerre des gaz ou une guerre chimique. Parce qu'ils savaient très bien que l'Angleterre avait fait des expériences avec du charbon, le bacille. Sur une île qui est toujours interdite d'accès, d'ailleurs, parce que, peu importe, je ne rentre pas dans les détails. Donc, les Allemands savaient que les Alliés préparaient des guerres sales, un peu plus sales. Eh bien, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait quand on est en pleine guerre et qu'on n'a pas le temps de faire des protocoles très longs d'expériences? On fait des expériences humaines. Oui, c'est trop facile d'aller toujours braquer la lumière sur ce qu'ont fait les gens, sans jamais braquer la lumière sur ce que les autres ont fait. C'est ce que disait Bardèche. Il n'y a que la moitié de la scène qui est éclairée. C'est pas de l'histoire objective, ça, c'est de la propagande. Donc il faut le dire, tout ça. Et l'unité 731, à mon avis, j'ai pas étudié vraiment le dossier au Japon, mais c'est pareil. Hein. À mon avis, les Américains ont utilisé des armes sales et les Japonais se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des traitements. Ça a été au-delà de ça, puisque en fait, les équipes de l'unité 731 ont été immédiatement, après la guerre, envoyé, en Amérique pour aider les Américains à développer leur propre programme d'armement biologique et bactériologique. À tel point que... Ça m'étonne pas. À tel point qu'ils ont bossé à Fort Detrick, qui a été une des bases liées au Covid-19 actuel. parce que Fort Detrick reste la base de guerre biologique américaine, et on sait qu'il y a des spécialistes qui sont liés, qui ont travaillé avec One, etc. En fait, One, c'est quoi ? C'était évidemment sous le patronage de l'armée chinoise, qui avait des échanges dont la nature nous échappe un peu avec l'armée américaine, et ça passait par Fort Detrick, et Fort Detrick a été en quelque sorte a bénéficié du transfert de différentes expériences menées par certaines unités militaires japonaises en Chine. Alors oui, c'est pas reluisant, mais vous voyez qu'il y a pas des bons et des gentils. Vous voyez que d'ailleurs c'est pour ça que les gars de l'unité 731 n'ont pas été poursuivis, parce que ils ont aidé les Américains. D'accord. Et donc il n'y a pas de bons et de gentils. Les Soviétiques ont fait pareil, et probablement que si les Chinois, parce que ne riez pas, mais si les Chinois avaient probablement mis la main sur ces scientifiques japonais là, ils ne les auraient pas exécutés. Ils leur auraient dit, les gars, c'était pas. Je pense pas non plus, en effet. Est-ce que vous pouvez pas nous aider un petit peu pour expier un petit peu ce que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez nous aider à créer notre propre programme scientifique, etc. C'est ce qu'ils auraient fait. Voilà, bon, si vous voulez, le problème, faut pas être naïf, quoi, je veux dire, voilà. Alors, ça excuse jamais quand il y a des choses qui ont été produites et qui sont inhumaines. Bien sûr, c'est pas le sujet, mais de dire, voilà, non, mais là, il y a les méchants, puis là, il y a les gentils, ça c'est la mauvaise analyse. Hein. Ça, c'est vraiment la mauvaise analyse. Voilà, alors, je précise, Shinzo Abe a pas cherché à réhabiliter par exemple, l'unité 731. En plus, si vous voulez, en fait, les Chinois sont souvent un petit peu à court de trucs, alors soit ils grossissent démesurément les chiffres, alors par exemple Nankin, ils grossissent énormément, je dis ces trucs, c'est, enfin il faut comprendre, c'est de la propagande, hein. Et puis les Chinois ils se cachent pas pour mentir, je veux dire, donc on gonfle, c'est-à-dire qu'on, voilà, si vous êtes à 30 000 morts, allez on rajoute un zéro et puis on dit voilà, c'est 300 000 en fait, hein, voilà, ça veut pas dire que c'est un basé, mais ensuite il y a des photos qui ont été manipulées, il y a une photo très célèbre où on voit un soldat nippon qui a un bébé embroché sur sa baïonnette. C'est des photos qui ont été débunkées depuis longtemps. Bah, ça n'empêche pas que ça circule partout sur Internet. On prend le truc. Alors, elles ont été étudiées. Non, mais c'est des conneries, ça, les gars. C'est ça. Pensez bien que la propagande japonaise. Bah, imaginez bien, ils étaient en train de se prendre en photo en train d'embrocher des gamins. En disant, regardez, formidable. On est vraiment les pires salopards de l'histoire. Pour la postérité, on prend des photos, on va les diffuser largement. Comme ça, tout le monde saura bien à quoi s'en tenir. Enfin, je veux dire, il faut. Enfin, imaginez, je veux dire, bon, eh ben si, ça court, etc. Alors, voilà, et ça compte. Paradoxalement, les Chinois sont très discrets sur le grand bond en avant, hein, ils sont très discrets sur toute une série de choses, ils vont me mettre pas en avant, ils disent, oh, vous savez, etc. Bon, chacun regarde un petit peu là où ça l'intéresse. Alors, comme les Japonais, on leur a mis énormément dans la gueule, ils ont essayé de corriger le tir, voilà, c'est tout. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai pour vous dire, et peut-être qu'on en conclura là, quand l'administration Obama, en 2008, quand Obama est arrivé aux responsabilités aux États-Unis, il avait son grand projet de changer le visage de l'Amérique par rapport au reste du monde, par rapport au monde musulman et par rapport à d'autres pays. Et il s'est dit, plus spécifiquement par rapport au Japon, parce qu'il s'était dit par rapport à la guerre d'Irak, que ça avait profondément endommagé l'image de l'Amérique, ce qui était juste à l'époque. Il s'est dit, il faut qu'on ait une autre image. Il faut qu'on ait qu'on n'ait pas l'air d'être un empire, ce qui n'empêchera pas de mener des guerres partout, d'ailleurs. Mais... Et alors, en allant au Japon, en démarchant les Japonais, il s'est dit, moi je vous propose de présenter les excuses officielles pour les bombardements nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki, voilà. On organise ça, on met ça en forme. Les Japonais ont refusé. Ils ont dit, il est hors de question qu'on organise quelque chose qui puisse ressembler à des excuses organisées, etc. Parce que les Japonais étaient capables de dire, nous on a subi la démoralisation à coup de culpabilisation. Donc on sait ce que c'est. On sait à quel point c'est dommageable politiquement et à quel point ça peut neutraliser un pays. Alors ils étaient intéressés, ils disaient, mais ils voyaient plus loin que les Américains. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est des alliés qu'on aime bien avoir. Donc, les mecs disent, non, les gars, ça c'est une connerie. Ça c'est une connerie. Ça va faire que du tort. Donc ils ont empêché l'administration Obama de mettre en scène des excuses. Ils ont dit qu'il est hors de question que ça se passe. Il y a pas, on ne demande pas d'excuses, on ne veut pas d'excuses, on ne veut jamais entendre parler d'excuses, ça ne doit pas avoir lieu, ça n'aura pas lieu. Donc Obama a reculé. Il a dit, bon, si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais ils avaient bien compris que si les Américains se mettaient à reculer sur tout, y compris pour la dissuasion nucléaire qui protège le Japon, si les Japonais se mettent à criminaliser le bouclier qui les protège, ça devient problématique. Donc, mais les Américains ne voyaient pas aussi loin. Donc c'est vous dire, vous voyez, c'est intéressant quand même. Alors que les Japonais auraient pu être bas du front et dire « Ah, vous voyez, ça, c'est bon, ça y est, là, on les tient, là, nos Américains, on peut enfin avoir notre vengeance, etc. » Non, non, ils ont été plus fins. Ils ont été plus fins. Ils ont dit « Il est hors de question qu'on demande. » Et ils étaient plus cohérents. Ils étaient à la fois plus fins et plus cohérents. Et quelque part, ça paye plus. Alors oui, puis moi, j'ajouterais une chose. C'est que, sans même parler, tu as tout à fait raison, c'est ils ont intérêt à ce que l'Amérique ne se démoralise pas. Mais moi, même sans parler de tout ce problème géopolitique, un Américain dirait « Oh ben, je crois qu'on va s'excuser sur Hiroshima. » Moi, je serais japonais, je dirais « Ah non, pas d'excuse, la justice à ce moment-là. Parce que vous avez pendu nos criminels de guerre. Si Hiroshima, c'est un crime, on voudrait au moins un procès, mais juste, à titre posthume. » Mais pas que des excuses, parce qu'on en a assez que ce soit seulement nous qui soyons toujours mis en procès. Moi, personnellement, je suis contre les procès de Nuremberg, mais si c'est un procès juste, à ce moment-là, il faut qu'il le fasse. Il ne faut pas se contenter de faire des excuses, en général, qui sont très, très, très hypocrites. C'est comme pour Dresde. « Oh oui, c'était pas bien. » Oui, d'accord, mais enfin quoi, c'est un crime de guerre ou pas? Si c'est un crime de guerre, il y aurait quelque chose à faire. Or, je vous rappelle que le procès d'Hiroshima a eu lieu, ce que les gens ne savent pas du tout, c'est l'affaire Shimado. Shimado, en fait, a porté plainte contre l'Amérique, c'était une victime, enfin sa famille a été victime à Hiroshima, c'était Shimoda, je crois pas plus exactement, c'est un nom japonais, j'ai du mal, mais c'est ça. Il a porté plainte contre l'Amérique pour le bombardement. L'affaire a été confiée à une cour japonaise qui a rendu un jugement extrêmement long et extrêmement bien documenté, que j'ai cité dans plusieurs vidéos à propos d'Hiroshima, d'ailleurs, parce que j'ai le texte en anglais, et dans lequel il conclut qu'en effet, c'est un crime de guerre caractérisé. Il ne parle pas de crime contre l'humanité, mais il dit que c'est un crime de guerre caractérisé. Donc, en fait, le procès d'Hiroshima a eu lieu. Mais ça, par contre, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est vraiment, encore une fois, c'est la mémoire sélective. Je me dis que peut-être, c'est sans doute... que Shinzo Abe a des squelettes dans le placard, qu'il avait des trucs pas nets. Mais j'ai envie de dire, on s'en fout, parce qu'en attendant, le résultat, c'est que son pays, il va survivre, son pays. Voilà, c'est l'essentiel. Je sais pas si on peut en dire autant des Français, et je sais pas si on peut dire autant que les Britanniques, parce qu'en ce moment, les Britanniques, ils font les malins, ils se jouent comme les espèces de juges mondiaux de l'antifascisme et de la bienséance, mais faut quand même rappeler que les Britanniques, c'est quand même un peuple de extrêmement barbare. Je veux dire, ce qu'ils ont fait aux Irlandais, ce qu'ils ont fait aux Gallois, aux Écossais, en fait, à chaque fois qu'ils entrent en conflit avec un peuple, avec les bourgs, justement, en Afrique du Sud, les bourgs, les premiers camps de concentration, c'était les Britanniques. Donc, faut quand même le rappeler, ça. Les Britanniques sont quand même un peuple qui a du énormément de sang et surtout de la cruauté. Parce que tous les peuples ont du sang sur les mains, mais les Britanniques, ils ont, en plus du sang, ils ont de la cruauté. Ils ont fait énormément de mal, tu vois ce que je veux dire. Et ça, on n'en parle jamais. Par contre, les Japonais, ça, on y va. Les Allemands, on y va. Alors que, l'axe de l'Alliance, il faudrait un peu regarder, faudrait un peu nettoyer les draps avant de s'occuper de ceux des autres. Et d'ailleurs, au passage, en ce moment, parce que la presse britannique, je l'ai scruté, cette magnifique presse britannique qui taillait un costard à Shinzo Abe en disant que c'était le retour du fascisme, etc. Ouais, bah, en attendant, les Britanniques ne pouvaient pas faire les fiers parce que le seul type à peu près, enfin, le seul type qui hausse le niveau chez eux, c'est Boris Johnson. Donc autant dire un type qui a fait un seul truc bien de sa vie, c'est le Brexit. Le reste, bon, c'est ça. Et qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Hein. Il n'a pas fait. Et qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Il a simplement fait que... signé le papier, quoi. Hein. Voilà. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que ce type est un clown. Alors messieurs, je vous dis merci. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les camarades, à la semaine prochaine. Salut à tout le monde. À